Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millénial, le podcast le plus légendaire de la galaxie. Je suis le capitaine de ce fringant vaisseau et comme d'habitude je suis accompagné de mon incroyable équipage composé de Ximnut, Matt et Funeli. La bagarre. Et avec nous, une fois n'est pas coutume, et deux non plus d'ailleurs, notre merveilleuse amie, Laine. Comment ça va depuis la dernière fois? Et attendez, on vous entend pas, du coup. Est-ce que tu peux redire? On vous entendait pas, j'ai oublié. De vous démuter sur le live. Du coup, Ximnut. Ximnut. Coucou tout le monde. Matt. Re-salut. Funeli. Nick. Et Laine. Donc Laine, tu disais? Je disais que ça fait plaisir d'être de retour ici, donc ça va faire plaisir d'être de re-re-re-retour, puisque je me re-répète. Avec vous, à la maison. Ça fait longtemps. Hein. Oui, oui, c'est... Tu nous avais manqué. Alors... Deux secondes, il paraît que je sature, alors il faut que je baisse mon niveau. Il sature un tout petit peu. Mais oh, c'est pas possible de saturer comme ça, voilà. Est-ce que c'est mieux là? Bien. Hop là, merci tout le monde, et on va repartir. Du coup, la dernière fois justement, tu nous avais rejoint à la ligne pour parler du premier roman de la Haute République, la nouvelle période déjà iconique de l'univers étendu canon. Et cette fois-ci, tu viens pour qu'on discute du Legends. En gros, on a eu l'idée de faire cet épisode-là parce qu'une fois, t'étais venu. Je crois que c'était pour le Mandalorian, un des épisodes du Mandalorian. Et après l'épisode, ouais, en off, on avait discuté un petit peu de l'UE Legends. Et ça avait été, enfin moi personnellement, j'avais trouvé ça super passionnant de t'écouter en parler. Et je me disais, bah vu que nous, on est des vrais haters de l'UE Legends, hein, voilà, on peut le dire, le mot est lancé. Non. Non, mais c'est vrai qu'on en dit rarement du bien. Si. Globalement, on s'en branle. Enfin... Voilà, c'est ça. Malheureusement, c'est trop vieux pour nous. On est arrivé un peu après. Comment? Matt. Oui, quoi. Non, pardon, je t'entendais plus. Non, mais je suis là. Vas-y, donc tu disais. Tu dis que c'était trop vieux pour nous, mais non, enfin pas forcément. Moi, j'en ai lu quand j'étais enfant, enfin enfant, jeune ado aussi. Ah justement, vite fait, avant de que Laine nous présente, en fait, nous explique un peu ce que c'est tout cet univers Legends, d'où ça vient. Entre quand et quand ça a été fait, on va peut-être parler un peu tous et tous de notre rapport aux Legends. Je vais commencer parce que d'habitude je balance toujours quelqu'un à ma place et je me suis dit cette fois-ci je vais avoir un peu de courage, je vais le faire moi-même. En gros, moi, l'UE Legends, évidemment il y a eu Force Unleashed, on en a déjà parlé, c'est pas forcément le meilleur exemple de l'UE Legends. Ah oui, ça par contre je déteste. J'ai eu KOTOR que j'ai jamais pu finir parce que ça... Le 1 et le 2, hein. Les deux ils me crachent, ils crachent tout le temps, ils font... Ça, j'ai jamais pu aller jusqu'au bout, mais j'aimais bien les deux. Et surtout, mon vrai truc avec le Legends, c'est mon oncle une fois à Noël qui m'a offert un comics qui s'appelait L'Empire des Ténèbres. Et c'était pas... Je crois que c'est vraiment génial. Et ben moi, c'est le premier truc Star Wars que j'ai pas aimé de toute ma vie. C'est... T'as vraiment eu que la crème des trucs. Pourtant, je devais avoir pile poil là. J'avais quoi? J'avais 14-15 ans, un truc comme ça. Entre 13 et 15 ans. Et non, c'était pas passé. Mais tu vois, sinon, le reste, bon bah, j'ai bien aimé jouer à Force Unleashed quand même si c'est complètement pété. Et KOTOR, bah, c'était sympa, même si j'ai jamais pu le finir. Et pas d'autres jeux vidéo? Aucun autre? Aucun autre. Bah, j'ai pas beaucoup joué aux jeux vidéo, à part les Battlefront. Hein. D'accord. Quand j'étais jeune, ouais. Le mec est choqué. Ouais. Bah, si, ouais. Un petit peu, vite fait, j'avais regardé un pote jouer à... Jedi Academy. Mais voilà. Déjà, je comprenais pas pourquoi on jouait pas Luke, donc c'est pour vous dire que j'étais un petit con déjà à l'époque. C'est nul. C'est pas Luke. Ouais. Mais du coup, Matt, toi, ton rapport avec le Legends, vite fait. Un peu plus, moi déjà, il y a plus de trucs. oui, il y a vite fait. Je vais aller vite, mais globalement, moi j'ai lu, tu vois. En fait, j'ai lu surtout une seule série. Principalement, après j'ai lu des trucs un peu éparpillés et puis quelques bouquins du Nouvel Ordre Jedi pour lequel j'ai moyen accroché, mais globalement ce que j'ai surtout lu c'est la série Les X-Wing en français. Je crois que ça peut préparer le titre de la série en VO, mais tous les bouquins qui suivent l'histoire de l'escadron Rogue et de l'escadron Spectre, je pense qu'ils sont encore super cool maintenant à lire, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Même si du coup bah, ils sont plus raccord avec quoi que ce soit, mais c'était un bon prolongement, je trouvais, moi, à la trilogie originale. Et j'étais tombé dedans parce que j'avais joué à Rogue Squadron avant, forcément, qui lui-même avait un petit peu voilà, son petit background à lui. Donc j'ai pris la suite avec les bouquins. D'autres bouquins un peu éparpillés, comme ça, quelques BD aussi. Un roman prélogie, je crois, L'ombre du chasseur avec Dark Maul, notamment, mais. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Et à part, voilà, le gros morceau, c'est les X-Wing, vraiment, où là, j'ai tout dévoré. Toute la série de romans. Je crois qu'il y a 11 tomes, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y en a 10. 10 ok. T'as jamais lu la fin, Matt? J'ai jamais lu le 10e, parce que je crois qu'on l'a pas eu en VF. Exactement. Voilà. Donc, j'en ai lu 9, au final. What the fuck? Et puis, voilà, pour faire court, voilà. Super. Et toi, Funélie, alors? Alors, moi, le Legends, ça a commencé quand j'avais quoi, 10-11 ans. Donc, il y a 4 ans, coup, à peu près. non. C'est pas ton anniversaire, d'ailleurs. Je vais te planter. Ah, putain, oui, c'est mon anniversaire, encore. Oui, c'est vrai, joyeux anniversaire, Funélie. Vous lui souhaitez dans le chat? Par contre, c'est gentil de le souhaiter, mais ils sont où, les cadeaux, là, au bout d'un moment? Mais c'est l'émission, là, c'est Line, le cadeau. Ah, d'accord, bon, ok, ça va alors. Désolé de t'avoir interrompu. Ouais, du coup, ça a commencé avec Knights of the Republic, que j'ai un peu poncé, j'avais eu sur la Xbox à l'époque. Et puis le 2 aussi, et en fait, c'est ça vraiment qui m'a fait devenir fan de Star Wars à la base. Du coup, on peut pas vraiment dire que je chie sur le Legends, parce que c'est pas tout à fait vrai, c'est quand même ça qui m'a fait, à la base, accrocher à Star Wars, c'est aussi ça qui m'a fait devenir fan des Mandaloriens. Donc ouais, plutôt bien. Et après, quand je suis arrivé dans ma période lycée, c'était le MMORPG The Old Republic. Je suis bête, j'ai joué à ça aussi. Et... Ouais, bah celui-là, je l'ai poncé aussi. J'ai plus de 3000 heures de jeu dessus, je crois. Ah ouais. Donc ouais, voilà, on se met bien. Après, par contre, côté bouquins, comics, un peu moins. Les comics, c'était un par-ci, par-là. Je dois en avoir une dizaine. Et les bouquins, je dois en avoir lu une poignée. Je sais que j'en ai lu deux qui étaient sur la période Old Republic. Moi aussi, j'avais lu L'ombre du chasseur. Mmh. Et je crois que j'avais lu aussi peut-être les deux premiers tomes de la trilogie de Han Solo. Mais donc, au final, voilà, est-ce qu'une poignée de livres, c'est pas genre un livre? Genre deux gros livres? Alors, t'as combien de doigts dans ta main? Non, mais si tu les attrapes dans ton poing. Ça dépend de la taille des mains. Et des livres, ouais, effectivement. Merci, Funélie. Et toi, Ximnut, alors, ton expérience avec le Legends, toi, ça remonte aussi à des temps immémoriaux, il me semble. Ouais, bon, on va pas exagérer, mais... En tout cas, ouais, principalement les jeux vidéo. Donc, ouais, moi, les KOTOR, ça fait partie des rares que j'ai pas fait, que je vais tenter un peu de faire d'ailleurs sur la chaîne. Et c'est vrai que le découvrir après avoir testé plein de jeux qui ont modifié l'expérience qu'on a avec les RPG, c'est un peu brutal d'y revenir. Donc, je les ferai peut-être un jour, mais c'est vrai que voilà, c'est tellement, ça inscrit tellement de trucs dans le milieu Star Wars que finalement, je sais ce qui se passe même sans y avoir joué. Moi, par contre, ma série, c'était les Jedi, c'était les Dark Forces et les devenus Jedi Knight qui ont introduit tout un tas de qui m'ont vraiment fait découvrir le fait que ben c'était possible d'avoir des trucs en dehors justement des films. C'est vraiment ça qui me l'a fait découvrir. J'étais déjà choqué un peu à l'époque à quel point c'était facile de rentrer du côté obscur, revenir, voilà, il y avait pas trop de conséquences aux actions, mais bon, j'aimais bien quand même, c'était rigolo. Puis pareil, Rogue Squadron, on en a parlé vite fait. République Commando aussi, qui était plutôt sympa. Ça arrivé un peu plus tard, mais c'était cool aussi. Comment ça s'appelle, Star Wars Galactic Battleground, qui propose pas des tonnes d'histoires, mais qui introduit des tonnes de personnages, notamment mon préféré, le Jedi qui loupe tout et qui s'appelle Echou. Donc voilà, je l'aimais bien. Mais et puis après, par contre, j'ai toujours eu. C'est vrai que voilà, j'étais bien plus Star Wars, bien plus à explorer l'univers à l'époque que je le suis maintenant. Et pourtant, j'ai toujours eu cette relation bizarre avec les bouquins qui fait que j'en ai quasiment jamais lu. Le seul truc, après que t'en aies parlé, Gruche, je suis allé vérifier et moi aussi j'ai lu L'Empire des Ténèbres. Était à la médiathèque de ma petite ville et qui m'a pas laissé un souvenir impérissable parce que c'est pareil, c'était quand même bien daté, mais pas forcément dans le bon sens. C'était pas juste le côté un peu désuet qui était sympa, c'est vrai que c'était un peu pas forcément super abordable. Donc au final, je me souviens d'en avoir vu voilà, dans les FNAC et tout, mais j'en ai jamais acheté ou lu moi-même. Donc voilà, moi, mon expérience, c'est vraiment principalement tout ce qui va être jeux vidéo. Ouais. Ah, et un truc, Legends aussi, que je sais pas si vous aviez fait le piquet aussi comme moi à l'époque, avant la sortie de l'épisode 3 où ils avaient sorti sur M6, ils avaient diffusé les 2 heures de Tartakovsky, du Clone Wars, oui, qui est maintenant Legends, mais je me souviens, moi à l'époque, c'était le matin. C'était le truc que j'avais attendu genre pendant des semaines avant d'aller voir le film. Et c'est ça. Je sais pas vous, à part que c'était diffusé le soir même, enfin le mardi soir avant la sortie le mercredi au cinéma, je crois. Ouais, bah moi je l'avais vu le mercredi matin. Ah, il l'avait repassé le mercredi matin. Non, je pense que je l'avais vu sur une cassette qui avait enregistré. C'est bien possible. Mais oui, il y avait ça aussi, moi, j'avais vu ça. Et alors, avant tout ça, je repense à deux éléments aussi importants dans mon approche du Legends et qui sont un petit peu, c'est pas spécialement original, mais un peu particulière. Déjà, j'avais des classeurs Atlas, je sais pas si quelqu'un se souvient de ça, avec des fiches à l'intérieur. Oh oui. Ça sortait toutes les semaines, tous les mois, je crois. Mais du coup, ce qui était sympa quelque part, c'est qu'on bouffait du Legend, mais vraiment de façon un petit peu différente. C'est-à-dire que tu allais avoir une fiche sur le Sun Crusher, je sais plus comment ça s'appelle en français ce machin-là, mais une espèce de super arme avec l'amiral Dala, je crois, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes. Hein, ouais, le broyeur de soleil. Le broyeur de soleil en français, simplement. Comme je pouvais ensuite avoir un truc sur Exar Kun dans une autre fiche le même mois. Enfin, on bouffait comme ça un peu de différents petits éléments du Legend, un peu éparpillés dans plein de fiches comme ça. C'était parfois mélangé même selon la thématique. Donc j'avais cette approche-là qui me faisait une espèce de gros gloubi-boulga avec plein d'infos sur Legend sans jamais avoir vraiment lu tous les bouquins. Et le jeu Star Wars Rebellion qui finalement... Tu fais un peu ta sauce, hein. C'est un gros jeu de stratégie à échelle galactique. Sauf que tu as tout un pool de personnages plus ou moins importants que tu peux utiliser pour des missions qui sont tous tirés de bouquins différents. Donc c'est là-dedans que moi j'étais introduit à Sworn, par exemple, je ne le connaissais pas avant. Oui, j'ai oublié de citer l'héritier de l'Empire, ouais, j'avais lu ça aussi, mais bon, bref, avant ça, j'avais découvert le personnage dans ce jeu-là, les Negris, pareil, il y a plein d'éléments, de plein de bouquins qui sont dispatchés dans ce jeu-là, et du coup, bah, j'avais juste la petite description de chaque personnage dans le jeu pour me faire une idée de qui ils étaient. Donc j'ai aussi eu cette approche-là du Legend qui est un peu particulière. Moi, finalement, j'ai un petit peu ça maintenant, un peu a posteriori, mais avec, comment ça s'appelle, avec Wikipédia. Parce que c'est vrai que ça m'arrive d'aller juste voir des trucs juste par curiosité. Oui, Et de piocher des petits trucs, parce que c'est vrai qu'il y a un côté, pour le coup, désuet, sympathique dans le Legends, d'avoir des trucs complètement pétés, comme disait Grushkov, des trucs complètement démesurés, qui est rigolo à lire. C'est un truc dont j'avais parlé il y a longtemps sur d'autres créations de science-fiction, genre un truc que je vais déjà citer, c'était la caste des métabarons. Avec des guerriers galactiques qui détruisent des planètes, genre des trucs complètement idiots. Mais c'est juste rigolo à lire, en fait, en juste le concept de science-fiction. Donc c'est vrai que j'ai un peu cette approche-là avec Wikipédia, où je vais juste ouvrir une page juste pour savoir ce qui se passe, voilà, pas sans forcément lire le livre. Oh, ok. Et du coup, Laïn, il est venu le temps de présenter ce que c'est l'UE, quand est-ce que c'est arrivé, en fait, quand est-ce que ça a commencé, c'était... Par quoi ça a commencé et quel a été son historique, en fait, à cet univers exactement. Étendu, original, en fait, le premier. C'est ça. Donc, déjà, il faut savoir que tout ce qu'on considère comme univers étendu, c'est ce qui n'est pas les films. Donc, ça comprend, c'est un peu en trois catégories. Il y a tout ce qui est les médias, on va dire papier, littérature. Donc les romans, les comics, on en a parlé dans vos approches, le roman graphique, des nouvelles, des e-books, mais il y avait aussi ce qu'on appelait des guides et des beaux livres. Donc des beaux livres, ça pouvait être aussi des livres in-universe, donc, comme si que Luke Skywalker avait écrit un livre et qu'il nous était parvenu. Après, on a les médias donc plutôt numériques, vidéo, donc les jeux vidéo, les séries, les téléfilms. Les films aussi, il y a un film univers étendu, hein, le film The Clone Wars. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et la dernière catégorie, c'est un peu une catégorie fourre-tout de tout le reste. On trouve un peu des livres de jeux de rôle, des éléments d'univers, donc un peu comme des recueils de plein d'infos à droite à gauche, publiés de manière plus ou moins légale, dans lesquels les artistes qui allaient travailler dans cet univers étendu pouvaient piocher, ou les rôlistes pouvaient piocher aussi pour créer leur scénario. Donc chacun de ces, enfin à part la catégorie autre, mais les deux autres catégories avaient chacun un service dans Lucasfilm. Il y avait Lucasbook pour tout ce qui était littérature, et il y avait LucasArts et Lucasfilm Animation pour ce qui était des médias vidéo. Donc c'était, sur la fin en tout cas, de l'univers Legend, assez bien encadré sur tout ça, avec des maisons d'édition liées pour chacun des médias. Donc les romans, on pouvait retrouver ça chez Random House, ensuite Del Rey, mais Del Rey, ça appartient à Random House, donc ça n'a jamais changé. Les comics, ça a d'abord commencé chez Marvel, ensuite c'est passé chez Dark Horse. Il y avait les jeux vidéo, où là, on allait piocher un peu toutes les maisons de jeux vidéo. Mais derrière, il y avait toujours un service chez Lucasfilm qui chapeautait l'ensemble du processus créatif. Malheureusement, ça restait des services différents. Donc, il y avait un peu des experts dans chacun de ces services. Donc, il y avait des experts chez Lucasbook, il y avait des experts chez LucasArts, mais il n'y avait pas forcément de cohésion entre les différents services, ce qu'on a aujourd'hui avec le Story Group, notamment. Pour préciser, il n'y avait pas le Story Group à l'époque. Il n'y avait pas le Story Group à l'époque. Il y avait une seule personne qui, aujourd'hui, travaille toujours chez Lucasfilm et qui est membre du Story Group. C'était l'Holocron Keeper, donc le gardien de l'Holocron. Et lui, il avait un peu un job vraiment officiel. Il avait d'autres tâches à côté, hein, plus officielles, mais notamment dans son travail, il avait un travail de classement. C'était un peu un travail de classement de la canonicité, parce que on parle d'une canonicité qui s'est faite entre 1976 et 2014. Donc, il y avait des choses qui se contredisaient invariablement, et donc il y avait un peu un ordre à mettre et des niveaux de canonicité à établir. Bien sûr, le top du top, c'est les films. Ensuite, on venait avec les séries télé, les téléfilms, les jeux vidéo, les romans, les comics, et tout en bas, on trouvait en général les guides de jeux de rôle. La vidéo de Captain Tabouret explique bien le. Enfin, la vidéo de Captain Tabouret sur l'histoire de Dark Maul, je crois, qui explique bien les différents canons de l'époque. Ouais. Ouais. Si jamais, voilà. Allez voir ça après. Exactement. Et donc, cette personne, Lelanchi, il s'appelle, faisait aussi un peu. On va appeler ça un immense tableau Excel, une immense base de données avec un peu toutes les références qu'on pouvait retrouver et qui pouvaient être fournies aux auteurs pour essayer de mieux intégrer leur œuvre dans ce canon Legend de Star Wars. Du coup, des lexiques, des trucs comme ça pour tout ce qui va être objet du quotidien. C'est ça. Ouais. C'est un peu un lexique de manière à ce que, par exemple, le métal de Star Wars, qu'on appelle du durastil, soit toujours appelé du durastil. Pas un auteur qui sorte un autre terme de son chapeau. Ouais. Il y avait une personne pour tout. Il y avait une personne pour tout à l'époque. Vache. Du duracier en français. Exactement. Il faisait le mec. Donc voilà. Et là-dessus, on voit bien qu'il y avait une idée quand même de canon supérieur avec les séries télé, parce qu'on voit bien que Lucas, George Lucas et Dave Filoni allaient piocher un peu dans cet univers étendu, en sortaient des éléments, n'hésitez pas à les contredire. On a l'exemple des Mandaloriens dans The Clone Wars. Ça a été super controversé, ça. Même Lucas piochait dedans, je crois qu'il s'en foutait de l'univers étendu. Alors justement, Lucas s'en foutait, mais par exemple... Quand dans l'épisode 1, il doit nommer la planète capitale de la galaxie, Coruscant, il va chercher le terme dans les romans de Timothy Zahn. La planète apparaît dans les romans de Timothy Zahn. Ah oui. Et il va chercher le terme. Par contre, il va dire, on le prononce de cette manière. On aurait plutôt prononcé ça à Coruscant. Ouais. Donc voilà, donc Lucas aussi, il laissait les auteurs faire leur travail dans leur coin, il s'y intéressait pas, il n'en avait rien à faire, mais il n'hésitait pas, si une idée était bonne, à aller la piocher pour l'utiliser, possiblement même la dénaturer, mais il pouvait aussi se montrer curieux à cet égard, et ça illustre bien le fait que finalement, film-série, c'était top du top, et en dessous, on retrouverait un peu tout le reste. Au final, on dirait que comment il s'appelle, que George Lucas, il faisait à l'univers étendu ce que les gens accusent la post-logie de faire avec la trilogie originale, c'est-à-dire de prendre et de dénaturer le truc, alors que en fait, c'était George Lucas qui volait tout et qui faisait de la fanfic en fait sur les trucs Legends. C'est ça en fait. C'était souvent représenté par le fait que George Lucas avait créé un bac à sable qui lui appartenait. Il laissait d'autres enfants jouer dedans. Et si quelque chose lui plaisait, il n'hésitait pas à descendre dedans, prendre la pelle et s'en servir, quoi. Pire gosse. Un gros coup de pied dans le château de sable. Et si ça lui plaît pas, il met un coup de pied comme avec Clone Wars, du coup. C'est ça. De Tartakovsky, justement. Mais je sais même pas si ça lui plaisait pas, parce qu'ils ont repris plein d'éléments du truc au final dans leur série. Oui, mais le trait n'a plus. Ok, d'accord. Et du coup, il avait dit pouf pouf, on recommence, mais on fait ça autrement. Enfin, il y avait un truc qui n'est pas trop plu dans l'histoire. De ce que j'avais lu. C'était pas, contrairement à The Clone Wars, c'était pas sa création à lui. Comment l'exprimer, c'est pas lui qui a dirigé le truc, qui a chapeauté, etc. The Clone Wars, les premières saisons, il est autant impliqué que Filoni. Hein. Tartakovsky avait vraiment la main sur le projet et ça le faisait chier, quoi. Voilà. C'était le truc de Tartakovsky et pas son truc à lui. Donc ceci étant dit, petit point chronologie de publication du Legend. Finalement, ça a commencé en 1976, donc quelques mois avant la sortie du premier film, puisque le roman, la novélisation d'Un Nouvel Espoir... Ils avaient sorti la novélisation avant ? En décembre 1976, oui. Oh merde ! C'est marrant s'ils ont continué à le faire avec l'épisode 1, l'épisode 2, ils l'ont fait aussi, ce coup-là. Ouais. Je savais pas que le. Non, je crois que c'était un comic, le premier truc. Non, donc le comics. Le... Bon, on va y revenir après sur le comics. Le roman a été dispo donc avant. Petit fun fact. Il a été écrit par Alan Dean Foster. Par contre, sur la couverture, vous ne verrez jamais Alan Dean Foster. Vous verrez écrit George Lucas. Ah. Voilà. Bravo. Et c'est marrant, ça. C'est marrant. Hein. Il faut savoir que lors du rachat par Disney, pour la novélisation de l'épisode 7, Alan Dean Foster est revenu et a fait la novélisation de l'épisode 7. Ouais. Il a aussi fait un incroyable traitement là-dessus. Pour l'épisode 9, et c'est un gros hater de l'épisode 8, et je vous recommande d'aller lire ce qu'il a écrit pour ce qu'il aurait mis dans l'épisode 9. Dedans, Rey est un robot et elle a une romance avec ses 3 PO, voilà. Wow. Ah, ça fleure bon le. Et ouais, il avait fait ça. Il avait aussi écrit la suite entre guillemets du premier Star Wars. On va y venir. On va y venir dans quelques minutes. Pardon. Je vais trop vite. Pardon. On va juste passer par la case du comics. Donc avec Marvel, parce que à l'époque, bon. Et c'était Marvel, la grosse maison d'édition hein, de comics. Ouais, contrairement donc, à maintenant. Lucas en 60. Contrairement à maintenant. Pardon. Vas-y, continue. Lucas était en convention et il a demandé à un dessinateur, qui deviendra le dessinateur de la série de comics, de faire un poster pour le film. Et ce poster va finir par être en fait la couverture du premier numéro du comics. Qui sera publié finalement en même temps que le film pour le premier numéro, et il faudra attendre le numéro 6 pour que le film entier soit écrit en comics. Et cette fois, la date n'avait pas été choisie par hasard, c'était pour permettre, en fait, comme le film était au début mal distribué aux États-Unis, c'était pour permettre à ce que plus de personnes puissent savoir l'histoire du film alors qu'il n'était pas forcément diffusé dans le cinéma le plus proche. Cette série de comics Marvel durera jusqu'en 86 avec 107 numéros. Donc on voit qu'on exactement. On voit qu'on dépassera même l'épisode 6, puisque les histoires racontées dans cette série de comics se passent entre chaque film, donc entre 4 et 5, 5 et 6. Mais à partir de 1983, quand le 6 est sorti, la série continue au-delà de l'épisode 6. Donc la série, après, elle a pris ses propres libertés. Elle avait une trame directrice où ils ont fait YOLO. Alors, la série avait, on va dire, des indices sur les films qui allaient arriver, mais il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas cette notion de spoiler. Les novélisations ont toujours été, avant le rachat, ont toujours été disponibles date de la sortie. Donc, si tu ne voulais pas aller voir le film, tu pouvais très bien prendre ton roman. Les comics, c'était pareil. Donc, il n'y avait pas de direction donnée pour le comics, si ce n'est que quand ils avaient des informations sur le film, donc pendant qu'ils étaient déjà en train de bosser sur l'adaptation du film, avant même que le film soit sorti, ils savaient déjà que les héros arriveraient sur Hoth. Donc, les numéros qui précèdent le film, on a déjà cette arrivée sur la planète Hoth de la part des héros. Et donc, ensuite, on peut tout de suite embrayer avec le film. Ouais, d'accord. Non, ils avaient déjà les infos. Lucas leur filait des tuyaux comme ça? Oui, on est à une époque où il y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, oui, c'est vrai que c'était plus facile de filer des... Ouais. Voilà, une personne qui écrit un comics, il a déjà le scénario de l'épisode 5, il va pas... Il n'y a pas de risque que ça fuite au monde entier. Oui, pas de la même façon, oui, c'est clair. Et toute manière, d'ailleurs, je me rappelle l'autre fois, on parlait du Lucasfilm Magazine. Ouais. À l'époque, avec le Lucasfilm Magazine, l'épisode 1, tu savais déjà à peu près tout ce qui se passait dedans avant même qu'il sorte au cinéma. Ouais, moi, je l'avais eu pour... j'en avais eu un ou deux, je crois, des numéros spéciaux pour l'épisode 3, et c'était pareil. Hein, c'est vrai qu'on savait beaucoup de choses à l'avance. Ouais. Il n'y avait pas de gros secrets et tout. J'avais lu la novélisation genre 3 mois avant, donc bon. Et les BD. Là. À l'époque, oui, il y avait la différence de sortie ciné entre US et France, donc tu avais déjà la novélisation entre les mains quand il sortait en France le film. Oui. C'était plus rapide de traduire un livre que d'attendre un film. C'était une autre époque, une autre manière d'appréhender vraiment les films. Non, non, c'est clair. Ce grand secret. Ceci étant dit, sur cette série de comics, on trouve dedans, donc elle est vraiment considérée comme tout en bas hein, sur le niveau de canonicité. Elle a très souvent été contredite par l'avenir, mais ça n'a pas empêché certains des éléments qui s'y trouvent d'être repris et d'être intégrés dans des histoires de très grande ampleur, voire même d'être un des éléments clés de ces histoires-là des décennies plus tard. On peut nommer par exemple Lumia, qui est une grande antagoniste dans cette série de comics, et qui deviendra des années plus tard la personne qui fera sombrer du côté obscur le fils de Han et Leia. C'est aussi pour la première fois dans ce comics qu'on voit la culture mandalorienne apparaître, les guerriers mandaloriens en nombre apparaître, aider plus ou moins la rébellion dans du post-épisode 6, avec une histoire un peu de romance avec Leia, avec un chef mandalorien. Et c'est des choses qui seront reprises aussi beaucoup plus tard dans les romans qui se passent quelques années après. Okay. Voilà, ça arrivait tôt, les mandos, quand même. Ça arrivait tôt. Il y a toute une blague avec le crâne du mythosaure aussi dans ces comics. Donc c'est assez sympa, c'est comme lire des vieux comics X-Men ou Avengers, on voit un peu d'où on est parti et c'est toujours assez plaisant et puis c'est très symptomatique d'une époque et d'une autre manière de raconter des histoires. Ouais. J'aime bien le look super buff, on dirait la figurine d'Hasbro qui est sortie à une époque complètement dégueulasse. Ensuite. Oui, donc il y avait un Dark Vador qui avait des yeux rouges sur le casque et leur sabre était rose. Oui. Parce qu'ils n'avaient pas encore les visuels du film définitif. donc voilà, c'était assez drôle. Mais c'est vraiment. Moi, j'aime beaucoup cette série. Elle existe en entier hein, chez Delcourt. Je ne sais pas si on les trouve encore. Mais Delcourt a publié tout en 10 tomes, je crois. Ah, oui, je pense que ça mérite un coup d'œil, quoi, je pense. Oui. C'est un coup d'œil. Même pas. Et donc, dès l'année suivante, en 1978, on trouve vraiment le véritable premier roman Star Wars original, toujours écrit par Alan Dean Foster, et qui s'appelle donc Splinter of the Mean Eyes. Il faut savoir que ce livre est adapté du scénario d'un téléfilm Star Wars, et c'est le téléfilm qui aurait dû être fait si jamais l'épisode 4 n'avait pas marché. Proposer quand même une suite à l'épisode 4, mais en téléfilm. Ah ok. Non, je savais pas que ça venait de là, en fait. Ok. Donc on était en 1978, donc finalement c'est un trait d'union entre l'épisode 4 et l'épisode 5, ça se passe entre les deux. Celui-là, je le connais pas du tout. Enfin, Moi j'ai complètement alors, oublié. Celui-là n'a jamais été... Alors, il n'a jamais été traduit en français, le roman. Par contre, Dark Horse, des années plus tard, a fait une adaptation en comics du roman qui, elle, a été traduit en français. D'accord. Alors, je viens de regarder, mais en fait, par contre, je connaissais les covers, les couvertures, tout ça, mais le roman, je ne l'avais jamais... Personnellement, je n'ai jamais lu le roman, mais j'ai eu la chance de pouvoir lire le comics. C'est le seul comics que j'ai en Dark Horse France. Je ne sais même pas ce que ça valait, du coup. J'ai une maison d'édition. C'est assez sympa, mais on voit que ça devait être un téléfilm, c'est-à-dire sur les décors, t'as rien qui se passe dans l'espace, quoi. D'accord. c'est tout qui se passe sur une planète. Et d'ailleurs, j'ai un doute, mais je crois que la planète, c'est Mimban, la planète qu'on voit dans Solo. La planète gadouilleuse. La planète avec les. Il rencontre Chewbacca. Ça se passe dans la forêt. c'est ça. C'est aussi là-dedans qu'est introduit pour la première fois les cristaux de force, etc. Non, mais c'est pour ça. Tout autour de ça, en fait. L'histoire, c'est de retrouver un cristal puissant. Mm-hmm. C'est pour ça que ça brille sur la couverture. C'est un petit cristal. Ça fait gling. Malin. Cristal de Kyber. Ça fait gling, gling, gling, gling. Super. Donc voilà, et donc l'année suivante, en 79, on a Les Aventures de Han Solo, et donc je dis bien Han Solo parce qu'en VF, il y avait encore Y à l'époque. C'est important. C'est important. Et quatre ans après, en 1983, on a Les Aventures de Lando Calrissian. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment la période qu'on peut appeler les débuts Donc du premier, de un an avant le film jusqu'en 86 avec la fin de la série comics, et ensuite tout s'arrête et il faudra attendre 1991 pour attendre que tout ça soit relancé doublement. Quand je dis doublement, ouais, c'est-à-dire en roman et en comics, puisqu'en roman, Random House donc récupère l'ensemble du contrat pour proposer la fameuse trilogie de Timothy Zahn, La Croisade Noire du Jedi Fou en VF. Ouais. Donc ce que tout le monde considère comme la trilogie fondatrice hein, de l'univers étendu, comme on vient de le voir avant, il n'y a pas eu grand-chose. Donc cette trilogie qui se passe 5 ans après l'épisode 6, qui montre des vestiges impériaux affronter la Nouvelle République qui a été fondée, donc avec le fameux Amiral Thrawn qui dirige tout ça. Donc gros pan de l'histoire, un méchant donc qui aura survécu au rachat, donc qui prouve vraiment le succès du personnage, l'intelligence du personnage, le charisme, le gros cerveau. Voilà, le très gros cerveau du personnage. Il est très intelligent. Il est tellement gros qu'il prend deux couvertures. Voilà. Alors moi j'avais juste une question avant que les deux romans que tu as cités avant qu'on parle de la trilogie de Zahn, c'était encore Alan Dean Foster ou non? Donc déjà c'est deux trilogies, c'est pas deux romans, c'est deux trilogies. Ah ok. C'est pas Alan Dean Foster. J'ai pas les noms en tête, mais c'est pas Alan Dean Foster. D'accord. Ce que je me demandais justement. Donc finalement, voilà, ils commencent déjà à avoir plusieurs auteurs, donc ils doivent déjà commencer à faire attention à la cohérence, à ce que les auteurs se contredisent pas les uns les autres. Les histoires sont tellement en marge, en fait, que les seules contradictions à éviter, c'est avec les films. Les romans se passent... ils n'ont aucune chance de se rencontrer les uns avec les autres. La trilogie Han Solo, c'est sur les jeunes années d'Han Solo sur Corellia. Et la trilogie de Lando Calrissian, pareil, c'est sur les belles années de Lando avant Bespin. Ok. Parce que ce rôle de gardien de l'Holocron, est-ce que tu sais à peu près à partir de quand ça a commencé ? Les années 90. Ok. Je peux pas préciser plus que ça, mais c'est à partir des années 90. Avant ça, les Lanchi, je dirais peut-être pas qu'il était pas né, mais il était trop jeune en tout cas. Ouais. Et de toute façon, ça correspond au moment où ça explose, donc c'est cohérent. C'est ça. Exactement. Donc on a d'une part la trilogie de Timothy Zahn et d'autre part chez Dark Horse, donc puisque Marvel n'a plus le contrat pour les publications, c'est Dark Horse qui le récupère. Donc Dark Horse, c'est un habitué hein, des contrats avec des sagas de films. Hein. Ils ont eu Alien, Predator, ils ont pas mal de films à leur catalogue. Et donc Dark Horse publiera ce dont on a parlé tout à l'heure, Dark Empire. Juste, Grushkov, il vous a mis des couvertures récentes, en l'occurrence, pour la trilogie de... Ah oui, mais les autres, elles sont trop moches, pardon. Oui, hein. Oui, je préviens juste les gens, simplement. Et, je vais juste te poser une question rapidement. Line, tu me dis, je ne sais pas si tu as la réponse, mais le format de trilogie, c'est juste que c'est pratique, même d'un point de vue bouquin, de faire des choses en trois tomes, ou c'est forcément à chaque fois un écho au film, parce qu'il y a eu trois films, alors on fait trois bouquins. Alors, je sais pas si une réponse officielle existe à ce sujet. Mon appréciation personnelle, pour avoir vu énormément de trilogies de bouquins Star Wars, je pense que c'est un écho vis-à-vis des films. Ce que je soupçonnais. Des fois, il n'y avait pas assez de matière pour faire trois bouquins parfois. Mais je pensais que c'était un truc du genre. Okay. Il y avait très peu de romans seuls à l'époque. Beaucoup de trilogies. Avant l'explosion d'El Rey en 99, il y a eu une duologie et c'est tout quoi. Et pas vraiment de série comme il y a pu avoir justement avec des trucs plus longs quoi. Au-delà de X-Wing, il n'y avait pas de série. Ouais. Oui, c'était à l'époque le seul bouquin à faire plus de 3 quoi. Enfin. C'est ça, même si il y a eu d'abord 3 X-Wing, ensuite il y en a eu 3 autres de 2 auteurs différents. Non, Stackpole en a fait 4. Il y avait Stackpole, c'est ça. À son âme. Oui, c'est vrai qu'il marchait par 3 bouquins en général. En tout cas, au début, ça marchait par 3 bouquins à chaque fois, avec des arcs qui se terminaient, qui se clôturaient au bout de 3 volumes. Oui. C'est ça. Donc, Dark Empire, donc ça, c'est. Le pire truc qui existe. Donc, c'est marrant. C'est un comics pareil qui est un peu sous le format trilogie, même si là, je pense que c'était forcément voulu parce qu'il y aurait dû y avoir plus de tomes, des tomes spin-off, etc., qui se passaient entre certains pour expliquer davantage. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été publiées sur Dark Empire, beaucoup de choses en plus qui étaient prévues pour approfondir l'histoire. Donc, quelle est cette histoire ? Et bah, finalement, c'est le retour de l'empereur, hein, comme on a pu le voir en 2019. Bah, en fait, allez voir l'épisode 9, ça va juste plus vite, quoi. C'est donc le retour de l'empereur qui fonctionne en fait finalement comme dans l'épisode 9 avec des corps clonés dans lesquels il transfère son esprit. Malheureusement, comme dans l'épisode 9, et l'épisode 9 n'a rien inventé d'ailleurs, non, cloner un humain c'est facile, cloner un Jedi ça ne marche pas. Mais ça, c'est pas expliqué qui est dans le film pour le coup. Ça, c'est pas expliqué dans le film. Il faut lire la novélisation pour le savoir. Et donc, Timothy Zahn le montre ça dans sa trilogie de la croisade noire du Jedi Fu, montre cette réalité avec les clones, et ensuite, ce comics va lui aussi l'exploiter. De toute manière, ils sortent la même année. Alors, est-ce qu'il y a eu consultation ou pas ? Peut-être. Est-ce qu'ils ont eu tous les deux la même idée ? Ça me paraît un peu moins probable, mais ça reste de l'ordre du possible. Donc l'empereur est à la recherche d'un corps viable. À la fin du comics, il va jeter son dévolu sur le fils de Han et Leia qui doit naître. Mais en même temps, toute une guerre éclate entre la Nouvelle République qui se fait rétamer, hein, faut le dire. Hein. L'ouverture de cette série de comics, c'est Coruscant qui est ravagée. Et l'empereur qui relance un peu un empire démesuré avec des vaisseaux gigantesques depuis les mondes du noyau. C'est un peu comme profond. Son ordre final, quoi. Hein. C'est ça. C'est ça. Même si l'ordre final, on va plutôt s'inspirer de un peu des croisades de l'amiral Thrawn que de l'empereur. Pour la zone d'origine, parce que Thrawn vient des régions inconnues avec sa flotte, alors que là on a plutôt un empereur qui est caché sur Biss, donc une planète du noyau profond, encore plus au centre de la galaxie que Coruscant. Oui, c'est vrai qu'il était caché au centre de la galaxie. C'est ça. Sur Biss, oui. Exactement. Biss supérieur à Exegol, on nous dit dans le chat. En même temps, c'est un des deux qui a une personnalité, quoi. Alors, le seul truc que je retiens de Dark Empire, je crois que c'était les croiseurs. Il y avait un croiseur de malade, je crois, l'Eclipse ou un truc comme ça. Enfin, c'est ça, il y avait des beaux vaisseaux dans Legend par moment. L'Eclipse qui était dans le script de Trevorrow pour l'épisode 9. On voit ses inspirations. Je suis pas allé assez loin. C'est vraiment l'inspiration de l'épisode 9. Tu sors la Dark Empire. On a Dark Empire. C'est juste ça. Et le pire, c'est que du coup, maintenant, je me rends compte que peut-être que Dark Empire, c'était pas si mauvais que ça par rapport à ce qu'ils en ont tiré. Quoi. C'est ouf. Et pourtant, moi, j'avais vraiment... J'étais encore jeune, hein, comme je dis, mais quand je vois le truc où t'as Luke qui fait « Bon, bah, pour sauver mes amis, je vais passer du côté obscur », je fais « Ouais, bon, bah, d'accord, bah, c'est nul à chier. Luke, il ferait jamais ça. » Et du coup, bah, j'ai... Justement, il faut lire. C'est pas un vrai passage du côté obscur. Il faut lire tout ça. C'est à lire, c'est à comprendre, c'est à assimiler. C'est pas que c'est pas si mauvais, c'est que c'est pas pire. Ouais, c'est ça. C'est pas si pire. Mais il y a un truc avec les couleurs et tout dans cette histoire qui le rend vraiment spécial à lire. C'est vraiment presque une grosse hallucination. Une grosse patte. Hein, bah, Vas-y. C'est pour ça que je trouve que c'est... Je comptais mentionner les autres romans pour exprimer mon propos, mais je peux le dire dès maintenant. Oui, on a le côté très, très pulps de ces années-là. On est à l'aube des années 90. Mmh. Derrière, il y a eu les années 80 avec tous les comics années 80 qui sont passés, où c'est pas surprenant d'avoir quelque chose qui sort de nulle part ou d'avoir quelque chose de totalement surréaliste. Moi, là, en ce moment, je suis en train de me farcir des intégrales X-Men des années 80. C'est très facile, ça va vite. En l'espace de 3 numéros, Jean Grey devient Dark Phoenix. Elle explose une galaxie entière, elle meurt et hop, c'est bon, c'est plié. On a à cette époque-là quelque chose qui est l'enfant de ces comics pulps des années 80. Donc, c'est pas surprenant et c'est quelque chose de très courant à l'époque, je trouve. c'est pas forcément le côté psychédélique qui le rend compliqué. Genre, il y a à la même époque, on a genre, je cite des trucs francophones, on a Philippe Dorillet ou Mébius qui sont très très perchés, des trucs comme ça, mais qui arrivent à maîtriser le côté justement, voilà, démesuré et incroyable des images qu'on voit, tout en le rendant, voilà, peut-être plus accessible. Ils arrivent à trouver le bon équilibre. Dark Empire, c'est pas encore ça, je trouve, par rapport à d'autres titres qui pourraient se comparer, je trouve. Tu vas parler à un Américain de Cam Kennedy, hein, le dessinateur de Dark Empire, il va te dire que c'est un dieu. À l'époque, il est considéré comme un des plus grands. Ok, ouais. Bah. Il le confond avec Alexandre Astier. Oh non. Finelli a réagi, c'est bon. Bah, si tu, du coup, tu, mais en vrai, il est pas moche comme comics. Hein. Non, mais ouais, il a un gros parti pris. Et du coup, tu t'en souviens. C'est claqué au sol, mais c'est pas vilain. C'est ça. C'est pas quelque chose de générique que tout le monde faisait à l'époque. Non, c'est clair. Mmh. Non, ouais, notamment via la colorisation. Mmh. C'est d'ailleurs dans ce comics qu'on voit le retour de Boba Fett pour la première fois, puisque ce comics se passe un an après la trilogie de Timothy Zahn. Boba Fett était censé être mort dans le Sarlacc. Et il fait son retour avec un Slave 2 dans le comics. À quand le... Parce qu'il y avait un 1, il fallait défier un 2. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il avait donc... prévu qu'il y aurait un 2 et c'est pour ça qu'il a appelé le premier le 1? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. J'ai pensé justement, par exemple, du Legend et du Slave One. Il a plusieurs origines, ce vaisseau, parce qu'il me semble que le jeu Bounty Hunter apportait une explication, mais il y avait déjà une explication, enfin une origine à ce vaisseau avant, non? Ah, moi, je connais celle du jeu justement Bounty Hunter sur comment son père l'a eu. Et ensuite, Boba Fett a récupéré celui de. Ou alors c'est la même, je ne sais plus, mais je crois qu'il me semble qu'il y a deux versions différentes. Mais ouais, celle du jeu, finalement, elle est plutôt sympa. Il faut sortir le jeu pour la connaître. C'est ça. Je l'ai fait sur GameCube, je crois, celui-là. J'ai essayé de le faire sur l'émulateur et c'était tout GameCube, je crois. Ah, sur l'émulateur, c'est compliqué, effectivement, on est d'accord. On parle de trucs donc entre pété. 1991 et 1999, on va avoir donc le relancement des comics et plein de trilogies de romans qui se passent donc entre même pas entre eux, après l'épisode 6 et avant le nouvel ordre Jedi dont on parlera juste après. Et donc toutes ces trilogies de romans sont vraiment encore une fois, moi quand je lis ces trilogies, je vois un scénario comics de l'époque. J'ai lu très peu de SF hein, des années 90, je sais pas si en roman c'est pareil, mais moi je vois vraiment quelque chose de mix de l'époque avec un méchant tout pété qui peut être gélatineux ou qui peut être une énergie ou on te sort, vas-y, un obscur forceux qui sort d'un coin paumé de la galaxie, qui arrive, qui enlève les enfants de Han et Leia, bref, une trilogie, voilà, qui raconte tout ça. Et il y a un élément qui revient quand même très souvent dedans, c'est Palpatine. Il avait un grand loisir, c'était de construire des armes de destruction massive autres que les étoiles noires. C'est un kink. Ça va, ça aurait pu être un autre loisir et ça aurait été vraiment moins sympa. Je pense qu'il faut parler de kink à ce niveau-là. C'est ça. Il est vraiment donc, grand. Il a caché plein de prototypes un peu partout dans la galaxie et pendant cette période, à peu près régulièrement, tous les 2-3 ans, il y a un prototype qui ressort, qui détruit un système solaire, qui détruit un machin. C'est le genre de chasse au trésor. C'est comme les émissions où ils ouvrent des conteneurs abandonnés et puis ils tombent sur des trucs à vendre. Exactement. D'ailleurs, vous envoyez sur la couverture là, que vous en avez mis un là derrière Luc, c'est les Dévastateurs de Monde. Dévastateurs de Monde, oui. Ils étaient dans une mission bonus de Monde. Peut-être raison. Tout à fait. Non, c'est Dévastateurs de Monde, je crois, que tu le dis, oui. Ok. Donc voilà. Ça absorbait la matière de la planète et puis ça fabriquait des vaisseaux droïdes avec derrière. Exactement. C'était éclaté. Mais quand t'es gamin, t'as dit, waouh! Ouais, non, ils sont balèzes dans le jeu. Ça rend bien. Il y a aussi un prototype de l'étoile noire où en fait c'est une mini étoile noire et il y a que l'armature, il n'y a pas les plaques de coque sur le dessus. Il y en a un tout pété qui s'appelle l'œil de Palpatine. Alors ça, c'est un gros caillou qui va sur des planètes, qui prend les autochtones des planètes, qui les hypnotise pour en faire des soldats, met des armures de Stormtrooper dessus et crée une armée de soldats hypnotisés. Je vous laisse deviner ce qui se passe quand ce truc-là va sur Tatooine. Oui, nous avons des Jawa et des Tusken en armure de Stormtrooper. Génial. Oui, nous avons aussi des Gamorrés hein, en armure de Stormtrooper avec ce machin-là. Ok, mais est-ce que ça va sur Naboo? Naboo, je ne crois pas que la planète existait déjà à l'époque, on est avant en 99. Je pense que le gardien de l'Holocron, il a fini par démissionner, ou alors il devait être 3 grammes toute la journée, tellement il n'en pouvait plus. Donc voilà, donc il y avait pas mal d'armes un peu... Il y avait le briseur de soleil dont on parlait avant. Donc il y a le broyeur de soleil, voilà. Le broyeur de soleil, c'était un tout petit vaisseau, mais qui faisait encore plus de dégâts que l'étoile noire. C'était... Exactement. Il faut savoir qu'ils avaient, dans une, on va appeler ça une trilogie bâtarde de romans, parce qu'il y a deux auteurs, ils ont inventé une région de la galaxie qu'on a vue dans Solo. Ah, là-bas de la main de Mo, non ? C'est ça, le Mo, la gueule. La gueule de Mo, oui. Voilà, il y a eu plein de traductions différentes. Hein. Il y a eu la gueule, il y a eu l'estomac, des fois c'était gardé le Mo, bref. Et donc c'est un peu un dédale de trous noirs et en plein centre, il y a une zone un peu safe. C'est là le gros labo de Palpatine où il construisait toutes ses super armes. C'est ce qui est devenu voilà. Le Maelstrom, comme tu disais, dans Solo, du coup, finalement, ce truc-là. Oui, il y avait un labo et c'était Dala qui le tenait, Exactement. Une des rares femmes officiers de l'Empire, mais uniquement parce qu'elle avait couché avec Tarkin ou un truc comme ça. Je me souviens de ça. Yes, on adore le Legend. Et c'est assez drôle parce qu'elle vit recluse dans le Mo. Et genre, ça fait des années qu'elle a plus de nouvelles de ce qui se passe dehors, oui. Parce que Palpatine, Tarkin, tout ça, ils sont morts. Et puis, elle est venue, partant, surtout, tu n'ouvras personne. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Et un jour, il y a le. Je crois que c'est le faucon qui s'enfuit de Kessel, qui s'écrase. Et elle découvre qu'en fait, bah, dehors, il y a une nouvelle république et tout. Et donc, elle a plein de super armes avec elle, parce qu'elle est gardienne des labos. Et donc, bah, elle déferle sur la galaxie avec tout ça. Puis elle rigole zéro en plus, elle. Ah oui, non. Bah, là, elle rigole zéro. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle finira par être dirigeante de l'Alliance Galactique. Donc, c'est ce qui va succéder à la Nouvelle République. Oui. Et elle va se faire élire et tout. Une criminelle de guerre, mais non, c'est pas grave. La meuf qui avait tué tout l'ancien état-major impérial parce qu'ils étaient arrivés. Ça va, tu comprends, c'est parce que c'est écrit par des Américains. Ça les dérange pas, tu vois. Ah, c'est la subtilité. Ce qui est génial, c'est que les vestiges de l'Empire, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour choisir quelqu'un, alors du coup, elle les rassemble tous sur un même endroit, et puis elle balance du gaz. Et puis après, du coup, moi j'avais un masque, alors c'est moi qui gagne. Bah, tu m'étonnes qu'elle déconne zéro, ça fait rester enfermé 30 ans là-bas, voilà, c'est pas pour se rendre gentiment. Et finalement, la seule série, on va dire un peu plus. J'ai pas envie de dire sérieuse parce que tout est sérieux, mais qui va proposer quelque chose d'un peu plus galactique à l'époque, bah c'est la série des X-Wing qui commence, on va dire, au lendemain de l'épisode 6, globalement, et qui va faire suivre toute la conquête de l'Alliance Rebelle / Nouvelle République jusqu'au monde des noyaux. Jusqu'à Coruscant. Ça commence avec la prise de Coruscant quasiment. Pas dans le premier, non. Non, mais dans le deuxième. Ou dans le troisième. C'est les premiers, la prise de Coruscant. C'est dans les premiers, oui, parce qu'après, on découvre que sur le Coruscant, l'empereur, il avait enterré. Oui, le Zankia, c'est ça le nom. Le Zankia, voilà, il avait enterré un super Star Destroyer. Et donc, Star Destroyer décolle en ne faisant s'effondrer plein d'immeubles. Bref. Ce qui est fantastique dans les X-Wing, globalement, c'est qu'on a des trucs qui sont quand même bien éclatés, du genre ça. Un super Star Destroyer, donc un truc de 12 km de long, enterré sous Coruscant, qui décolle. Voilà. Mais en fait, c'est suffisamment over the top, ni trop ni trop peu, pour que ça passe parfaitement dans Star Wars, en fait. Mais encore une fois, moi, c'est le genre de choses que je lis tout le temps dans mes comics. ce genre de choses, ce genre de destruction massive. Là, je viens de lire les X-Men de Grant Morrison dans les années 2000. À la fin d'un comics, sans problème, il y a Magneto qui ravage New York. Je veux dire, il n'y a plus de New York à la fin. Pourtant, à la même époque, enfin, une bonne chose, en fait. Je veux dire, à New York, t'as les Avengers, t'as Spider-Man et compagnie. mais ça pose pas de problème. C'est les médias, les histoires de l'époque qui veulent ça. Donc ça gênait pas forcément. Et donc, en fait, dans cette série de romans, globalement, le but, c'est un peu de descendre tous les Superstar Destroyers qui existent, parce qu'il y en avait quand même une petite flopée. Et donc, à chaque fois, ils essayent d'en détruire un. Donc, dans la série, je crois qu'ils en détruisent, détruisent deux, et ils en volent un troisième. Oui. Le Lusankia deviendra vaisseau de la Nouvelle République. Le Lusankia, il y avait le point d'acier. Le point d'acier, voilà. Et le troisième, s'il y en a un troisième, je ne sais plus. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un autre. Tu crois qu'il y en avait un troisième ? Je ne sais plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la progression de l'histoire qui est super cool, parce que finalement, les bouquins suffisaient en eux-mêmes, même au pire, tu en lisais 3x3. Mais t'avais vraiment tu suivais l'évolution, la progression de l'escadron Rogue. Comme là, alors le premier, je sais plus exactement ce qui s'y passe finalement, mais il y a la capture de Coran Horn qui se retrouve sur le Lusankia, justement, où là on commence à déterrer un peu tout ce bazar. Le deuxième, c'est la prise de Coruscant, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que ça a été confirmé dans le chat d'ailleurs. Le troisième, c'est la guerre du Bacta. C'est le 4, t'as raison. Parce que du coup, ils arrivent à libérer Coruscant, en fait, et finalement, la meuf, parce qu'il y a encore une femme officielle impériale qui est là, elle est là parce qu'elle, c'est la fille de... Issa Nissar, c'est la fille du chef des bureaux de renseignement impérial. Voilà, alors, on voit comment tu peux mettre une femme dans l'Empire. Oui. Il me semble qu'il y a aussi des rumeurs comme quoi elle avait des trucs avec Palpatine, hein, mais bon. Oui, elle était la maîtresse de Palpatine. Et puis à ça près... C'était quoi son surnom, parce qu'elle avait un truc avec l'acier, je sais plus. Vas-y. Oui, parce qu'elle a les yeux verrons, je crois. Oui, c'est ça, oui. Il y a une histoire comme ça. Non, enfin, c'est une meuf qui est très très sympa. Enfin, tu bois l'apéro avec, hein, clairement, sans souci. Mais bref, son rôle, c'était de garder Lusankia sous terre, sous Coruscant, alors qu'au-dessus, il était en train de se faire capturer. Mais en fait, c'était une prison, machin, qui était enterré, où il reconditionnait. Des prisonniers pas infiltré, mais dormant. Qui pouvait activer par la suite. Une histoire avec l'ex de la femme, de la future femme de Wedge, qui est un agent dormant, etc. Ouais, tout se combine. C'est bien foutu, quelque part, c'est rigolo. Pardon. Je t'en prie. Parce que ce qui est intéressant, c'est que du coup, elle est défaite, elle doit se barrer de Coruscant. Alors, comme tu disais, elle se tire en détruisant la moitié un quartier entier en se barrant avec son vaisseau. Mais après, du coup, ils se disent, on va pas la laisser comme ça, on va la suivre, on va y aller. Et puis elle est partie se foutre dans un coin sur Tifera, qui est la planète qui contrôle la production de Bacta à l'époque. C'est un truc stratégique aussi. C'est super intéressant de voir ce qu'ils en ont fait derrière. Parce que il y a tout l'aspect politique qui est encore là, l'aspect over the top des batailles. Les mecs qui attaquent des destroyers entiers avec une poignée de chasseurs, c'est sympa aussi, c'est-à-dire ça reste épique, et en même temps, t'as toute la construction autour des personnages, parce que mine de rien, tu suis quand même un, et même après un deuxième escadron, perso par perso, quoi, et tu t'attaches à chacun d'eux. Donc c'était vachement bien foutu comme série. Ça, dans chaque roman, il y a invariablement toujours un ou deux membres de l'escadron qui meurent, remplacés dans le suivant, et puis tu t'attaches au nouveau personnage, etc. Et ils meurent. Et il y en a qui suivent plus que d'autres, forcément. Et puis toute la partie sur l'escadron Spectre, là, ce que j'aime bien, c'est que tu te dis à un moment, t'as l'impression qu'à un bout d'un moment, l'auteur il s'est dit, je me fais un peu chier, je vais m'amuser. Justement, ça change d'auteur sur l'escadron Spectre. C'était Alston sur le Spectre. Ça passe à Alston sur le Spectre. Et Stackpole avant, ouais. Sur le Rogue, ouais. Et Alston était du coup, parce qu'il est décédé il n'y a pas si longtemps, mais il était drôle comme. C'est notamment lui qu'on doit toutes les blagues autour de l'Ewok, pilote de chasse. Exactement. Je me marre rarement en lisant des romans Les BD marchent mieux sur moi pour me marrer, mais les romans spectres m'ont arraché quelques fous rires. Ah ouais, les romans spectres, on a tout un passage où Wedge il se fait passer pour un Ewok pilote de chasse, donc il pilote avec un Ewok en plus sur les genoux pour qu'on le voie à travers la verrière. On a un Gamorrien augmenté artificiellement pour être plus intelligent et qui parle le basique. Il y a plein de trucs comme ça. Il vole les intercepteurs, il les repeigne pour se faire passer pour des pirates. Il y a plein de combines. En fait, c'est. J'avais une analogie à un moment donné avec les Salons Spectre, je ne l'ai plus, mais c'est. Voilà, c'est l'escadron où les pilotes sont aussi des soldats. Chacun des pilotes peut aussi être soldat à terre avec une spécialité différente. C'est plus des commandos, en fait, dans l'esprit. C'est ça, c'est des commandos, c'est de l'infiltration. Il y a tout ça en plus par rapport à l'escadron Rogue, qui est purement spatial, en fait. Là, l'escadron Rogue, c'est vraiment... C'est pas... Excuse-moi. Non, j'allais dire, c'est pas comme... Bah vas-y, alors. Pardon, non, je veux dire, c'est... Voilà, ça coupe, alors je sais pas quand je peux parler, mais l'escadron Rogue, c'était très... Bah, c'est l'escadron Rogue, il doit agir au nom de la Nouvelle République, tout ça, et forcément ça crée des, ça c'est guindé comme truc, forcément des cases dans lesquelles ils peuvent, intervenir et d'autres pas. Et mais le roman il sert de ça parce qu'il fait comprendre au bout d'un moment, oui mais Wedge là tu peux pas aller faire ça, officiellement tu pourras pas faire ça, donc il devient carrément pirate, si tu veux, il quitte la Nouvelle République pour monter son bordel. Commencer à faire chez l'autre, voilà. Sortifera, et à partir de là, ça lui permet plus tard de gérer cet escadron, de créer cet escadron spectre avec que des. En fait, c'est que des rebuts, c'est que des mecs qui n'ont pas été pris dans d'autres escadrons, dans d'autres unités de la Nouvelle République. Et lui, il en fait une espèce de d'Inglorious Bastards, là, avec des mecs qui ont plein de compétences et qui font des coups fourrés pour déglinguer l'Empire. Il y a un des pilotes, c'est un petit rigolo, et il n'était pas dans l'escadron Rogue, celui-là, et justement, ils vont récupérer ce personnage, qui est un personnage, on va dire, issu des films, disons que c'est un des pilotes dans les films, et ils vont le récupérer, et c'est lui qui est à l'origine, d'à peu près 70% de l'humour de ces romans, c'est lui qui va faire croire à Wedge, en fait, qui est une de leurs futures potentielles recrues, qui est un Ewok. Ouais, je lui dis non, mais tu déconnes. Oui, c'est Wes. Oui, c'est le roman comment ça. Et Wes lui dit non, mais tu déconnes. Et ils vont jusqu'à faire une blague où ils mettent un Ewok dans un cockpit. Et Wedge, il ouvre le cockpit et il voit l'Ewok. Il voit l'Ewok en plus. Alors, du coup, bah, après, il balance, il se fout de ma gueule, machin. Ouais. Et après, plus tard, il se retrouve à devoir. Il va le resservir contre. En fait, il y a déjà ça. Ils se le foutent chacun dans le cockpit plusieurs fois pour se faire des blagues. Et après, lors d'une conversation radio entre des pilotes et puis des impériaux, il commence à dire ouais, mais nous, on a un pilote Ewok, il défonce tout, c'est une brute. Ça. Et du coup, ils sont obligés de faire passer Wedge pour un pilote Ewok en le fixant sur ses genoux quand il pilote. Il y a toute une histoire comme ça. Mais à la lumière de ça, parce que c'est quand même vachement dense, quand même, cette série, rien que de vous écouter en parler, il faudrait que je commence à me prendre des notes, mais c'est vrai que rien que le ton de la série, la manière dont c'est abordé, c'est vrai que je peux comprendre. Ce que je comprends pas, c'est que les gens soient violents, mais ce que je peux comprendre, c'est que quelqu'un qui vient avec ce background-là, qui arrive en regardant les nouveaux films notamment, soit un petit peu paumé, parce que niveau densité, c'est vrai que les gens doivent se faire chier. Enfin, c'est pas du tout le même style, c'est pas le même type de contenu, c'est pas du tout le même délire par rapport à ce qu'on propose dans les nouveaux romans et surtout les nouveaux films. C'est ça qui me frappe, moi, pour devenant de quelqu'un qui, justement, n'y connaît pas grand chose sur tout ce qui est bouquin. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, c'est vraiment ce que j'ai lu de meilleur en termes de dogfight. Là, je viens de finir l'escadron Alphabet. Sur la manière dont les dogfights sont écrits, ça arrive pas à la cheville. C'est d'une fluidité, c'est super bien écrit et ça en fait pas trop. Alphabet, en 10 pages, tu peux avoir le chasseur qui va perdre ses armes. Enfin non, d'abord son bouclier, ensuite ses armes. Ensuite il va perdre une aile. Ensuite il va perdre l'autel. Ensuite il va perdre un morceau de fuselage. Ensuite il va s'écraser. Ensuite capsule, toute la capsule tombe. Ah, le pilote impérial, il est tombé aussi, je sors mon blaster. Ah, je vais dans l'impérial, je tire sur le bras. Ah, je suis blessé et le combat reprend. c'est ultra long. C'est trop long, ça va trop dans le détail. Là, C'est bien fait, c'est fluide. Je crois que je me souviens, il y avait un duel à un moment donné, il tient sur une demi-page ou même genre 4 lignes. Enfin, c'était ça pouvait aller super vite parfois, et surtout c'était bien décrit, quoi. C'était clair quand tu lisais le truc. Tu te perdais pas à essayer d'imaginer. Alors le vaisseau, il est devant, derrière, trois quarts incliné à gauche, et lui il est là, et après il tourne, et tu te perds en route, c'est infernal. Ouais. Et surtout, il n'y a pas que du combat chasseur contre chasseur. On a du X-Wing contre un destroyer. Oui, oui. Donc, trouver les points faibles, mettre la torpille pile là où il faut, etc., pour mettre une réaction en chaîne, tout ça, tout ça. Après, quand ils ont foutu une mission dans Rogue Leader avec ça, j'étais comme un ouf. Mais j'étais un gosse, donc j'ai peur, j'étais un gosse, mais j'étais ouf en plus, quoi. C'est-à-dire, j'en pouvais plus, parce que j'avais lu ça avant. Puis de le faire après dans le jeu, c'était fantastique. Mais globalement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que je pense que ça se lit très bien maintenant. Bien sûr. Abstraction faite du background politique, les personnages sont complètement, même inédits, je crois, dans le canon actuel. Donc il n'y a pas le risque de confondre. Et ça se lit très bien encore maintenant, même pour quelqu'un qui aurait lu que le canon moderne, on va dire. Exactement. Ben là, ça me donne quand même, ça me donne un peu un côté Expandables avec des mecs qui savent absolument tout faire et qui se battent dans des conditions absolument démesurées. Qui me semble être un ton qu'on a un petit peu abandonné actuellement, avec des trucs peut-être un petit peu plus mesurés. Oui, ils arrivent à tout faire si tu veux, mais il n'y a pas 100% de victoire dedans. Il y a beaucoup de défaites et il y a beaucoup de morts aussi. Ils ont perdu beaucoup. Il y a un côté réaliste quand même. Et puis, c'est l'escadron Rogue, ils sont censés faire des trucs de fou. C'est pour ça aussi qu'il y a ce côté-là, mais ils y laissent des plumes à chaque fois. Ouais. Côté Expandables, tu l'auras un peu plus sur l'escadron Spectre. Ok. Bah je t'entends rigoler, Grushkov, mais il ferait déjà un film par bouquin, franchement, il y aurait de quoi faire. On va finir la période années 90. On va noter aussi que dans cette période, c'est aussi la première fois qu'il y a un projet qu'on va appeler multimédia avec les Ombres de l'Empire en 1996, qui va raconter donc une même histoire en roman, en jeu vidéo et en comics, et qui va même étendre un peu plus cette histoire dans d'autres médias. Il va y avoir d'autres comics qui se passent après ou avant. Le jeu vidéo, tu as des missions, t'as des quêtes en plus, etc. Et le roman, lui, bon, adapte principalement le jeu vidéo, même si on a une novélisation en un sens. Va même y avoir un CD de musique sur les Ombres de l'Empire. C'est multi-cross média, du coup. Voilà, multi-cross média. Donc, c'est la première fois dans Star Wars. Ça n'arrivera pas. Ouais, je t'en prie. J'allais dire un truc, en plus, c'est pas là-dedans qu'il y a le pire vaisseau coréen aussi. Je sais pas, c'est lequel le pire vaisseau coréen? C'est pas le... Ah, j'ai compris. Si, oui, d'accord, c'est là-dedans. Ah, moi, j'ai pas compris, par contre. C'est le Outrider de... Ah, c'est trop beau, ce vaisseau. Okay. Il est spécial, je préfère le Faucon, mais... moi, ils me font trop marrer. Alors, les vaisseaux coréens, ouais, c'est complètement sur le côté. Le jeu adapté, je l'ai commencé, mais pas fini, celui-là. Mais je crois qu'on a aussi, enfin, dans cette série, on a aussi le Soleil Noir, c'est pas sa première apparition. C'est ça. Est-ce que c'est la première ou pas? Je pense qu'il avait dû être mentionné peut-être dans d'autres romans avant, à vérifier. Oh, c'est trop mignon, le mec, il a des brassards de piscine. Un gilet de sauvetage. Le mec taillé en V, un bien, sacré look. Hein. Le bon héros régagnant. Le Han Solo Lidl. Mais attends, mais l'image, elle pue du cul, il manque la moitié des trucs dessus. Ouais, elle est un peu... C'est qui gère les images, hein? C'est pas nous. Mais c'est pas toi qui me l'a envoyé cette fois, c'est sûr. Ah bah non. Allez-y, continuez, hein, continuez. Donc je disais, c'est le tout premier de projet de ce type, et si je dis pas de bêtises, il faudra attendre The Force Unleashed pour en avoir un autre. Trop bien. Ouais, tout à fait. Ça valait le coup. Ça avait été quand même un carton, ou c'était un moyen flop pour qu'ils en aient parfait entre temps, ou c'était trop galère de coordonner tout le monde? Je sais pas, j'étais né, mais j'avais 3 ans, donc... Ah bah bravo, oui, je vous connais. Je me suis pas intéressé au succès des œuvres de ces époques-là. Donc, dans les années 90, on a aussi donc l'essor des jeux vidéo Star Wars, avec les premiers Rogue Squadron, les premiers Dark Force, les premiers X-Wing et les premiers TIE Fighter. Donc, vraiment, ce qui a créé un peu les jeux vidéo Star Wars, ça a été les tout premiers, en tout cas, que le grand public a pu mettre la main dessus. Les X-Wing versus TIE Fighter avaient d'ailleurs un background, je crois, avec des histoires, une histoire. Oui, c'était pas juste du dogfight. Ouais. C'était pas que du dogfight. Les missions font partie de l'univers étendu Star Wars. Et les jeux étaient accompagnés de nouvelles qui présentaient les personnages principaux donc des deux jeux. Farlander pour X-Wing et Malik, je crois, pour TIE Fighter, mais j'ai un doute. Mais il me semble que beaucoup de gens ont fait des parallèles entre le personnage de Hayden Versio et le personnage de la série TIE Fighter. Il me semble que c'était quand on avait fait l'épisode sur les jeux vidéo, on avait parlé de ça, qui est les pilotes qui se posent un peu des questions sur la raison, sur pourquoi est-ce qu'ils ont rejoint l'Empire, et finalement est-ce que c'était vraiment ça. Donc les gens étaient contents justement de voir le clin d'œil. Alors Adet Vortos dans le chat nous dit qu'il y avait aussi le projet multimédia Clone Wars. Ça ne me dit rien. Ah ouais. Il y a eu des BD pour accompagner la série de Tarkovsky. Oui. Puis de toute façon, ça vient après, ça. Il y a eu des BD qui sont venus après, oui. Il y a des jeux vidéo, mais c'est plus sur The Clone Wars que Marik Steel. Merci. Je me souvenais plus. On a le meilleur chat, hein, quand même. Mmh. Ouais, tout à l'heure, ils balancent plein de trucs. Toutes ces doubles voyelles. Oui. C'est le clone de Marek Steel. Pardon ? Ah, c'est pour ça. Tu disais quoi, Fufu ? Que ça manquait un petit peu d'apostrophe à mon goût. C'est vrai. C'est vrai. Là, entre les deux A. Pour... Vas-y. Pour la petite info, le personnage des jeux X-Wing, donc Farlander, deviendra par la suite un Jedi, et on le retrouvera dans la nouvelle Académie de Luke et dans l'Ordre Jedi qui suivra. Ouais. J'ai l'impression que c'est la voie obligée pour tous. Hein, Coran. Les pilotes de X-Wing, oui, il y en a pas mal. Coran. je vais me faire rire, mais le mec dans... Non, Kyle Katarn, là, j'ai retrouvé, excusez-moi. Ah oui. Ah bah oui, tout à fait, oui. À partir du moment où t'es barbu, que tu pilotes un truc et que t'as un sabre, c'est foutu. Oran Horn a une moustache, pas de barbe. Mais il avait une barbe, quoi. Il avait une barbe, Kyle Katarn. Non, encore Oran Horn, mais si. Ah, Katarn, oui, il a une barbe. Au début, il en a pas. Ça m'a fait trop bizarre, d'ailleurs, parce que moi, j'ai joué au Dark Forces après avoir fait Jedi Academy. Ça m'avait fait bizarre de le voir sans barbe. S'écrit comment, cette merde? Ah, ok, j'ai trouvé. Lequel? Coran Horn, j'ai retrouvé. Avec deux R et un H. Oui. C'était avec un C, en fait. C'était ça qu'il fallait me dire. Ah bah oui. Ah, mais je comprends l'erreur dans un monde fondé. Bah non, je suis désolé, il a un bouc. Il a un bouc. Ah, ça dénonce. Un Corélien, parce que les Coréliens, c'était des humains cool à l'époque dans Legend. À l'époque, Corellia, c'était pas une planète pourrie qui ressemblait à Dunkerque. Si tu voulais un humain cool, tu faisais un Corellia. Et c'est dans quel bouquin qu'on dit que Han Solo, c'était un prince corélien et tout, et que voilà, c'était pas juste un. Bah, c'était pas dans juste un vaurien. C'est dans la trilogie, je vais m'en souvenir, qui se passe. Juste avant la duologie de Zan. Ah oui, c'est ancien, ouais. Je sais pas. Comment on en parlait, ça m'avait revenu. Ça m'avait toujours fait rigoler. Genre, la trilogie corélienne, tout simplement. le truc, l'essence même du Legends, que c'était pas possible, en fait, d'être juste un mec lambda. Fallait toujours avoir un truc de ouf, quelque part, dans ton arbre généalogique. Trilogie corélienne, et tu rencontres son cousin, qui est un gros enfoiré. Ça arrive. Voilà. Ah, c'est mieux qu'il n'ait pas de famille. C'est mieux qu'il n'ait pas de famille. tout ça nous mène donc jusqu'en 1999 avec l'épisode 1, la prélogie. Et là, il y a, un peu une remise à plat, ou en tout cas un changement de tête. Ça passe de Random House à Del Rey, donc une sous maison d'édition de Random House, mais prestigieuse. Et notamment, on va avoir cette fois un conseil à un groupe de têtes pensantes avec Sue Rostini, Shelley Shapiro et Randy Stradley, si je dis pas de bêtises. Shapiro. Aucun rapport, j'espère. Oui, aucun rapport, oui. Je confirme. Aucun rapport, je suis cynique. Non, il a une sœur. Elle est youtubeuse. Je confirme. On note quand même qu'il y a deux femmes hein, dedans. Ouais, pas mal. Je trouve ça pas mal pour l'époque. Et donc, en fait, ils sont la plupart. Ils viennent de leur maison d'édition respective, mais comme ils sont en charge de la partie Star Wars, bah ils travaillent aussi pour Lucasfilm et donc ils vont cette fois avoir davantage une vision à long terme, une plus grande cohérence et surtout ils vont affiner leur casting pour les auteurs qui travailleront sur Star Wars. Alors moi j'ai une petite question sur le fait que tout ce qui est sorti jusqu'à présent c'était uniquement des choses qui étaient entre les films ou qui le suivaient. Est-ce que c'était parce qu'il y avait que de la demande pour ça ou est-ce que c'était Lucas qui savait déjà qu'il allait sortir ses films et disait vous faites rien avant les films? Officieusement il y avait un vous faites rien avant les films. On est okay. Dans les années 90. Il y avait tout complet de Lucas là-dessus je crois. Voilà, il y a un veto. Déjà que Zan ait pu parler de clonage, c'était surprenant. Il s'est vraiment juste appuyé sur le guerre des clones qui est mentionné dans l'épisode 4. Donc c'était déjà surprenant. Finalement, il palliera à ça avec d'autres romans où il montrera que sa technologie de clonage qui est dans ses romans, c'en est une autre que celle des Kaminoans. Donc, pour éviter toute incohérence, notamment. Donc il y aura des retcons a posteriori, notamment sur d'autres œuvres un peu plus critiquables des années 90. D'accord. La saga du prince Ken. Yes, Ken Palpatine, let's go. Voilà. J'ai envie de Ken Palpatine. Ça doit être la saga qui a eu le plus de retcons de l'histoire. Oui. À l'époque, le site officiel avait même publié, c'était pas un article, un guide non plus, mais un texte pour expliquer comment toute cette merde était possible. Voilà. Ah, mais je crois que j'en avais eu. Ne lisez pas en fait. Il me semble que j'avais lu La Vengeance de Zorba le Hutt. Zorba. C'est vrai, j'ai le truc. Je me souviens juste de la couverture pour vous dire. Il est grec. Il est dégueulasse. Voilà, ne lisez pas ça. C'est un hot qui dit. Ne lisez pas ça dedans. Il y a Lando qui lance un parc d'attractions. Il y a une cité secrète. Ça fait peur. The Lost City of Jedi, là, je viens de le voir, qui est caché sous terre sur Yavin. Il y a le mont Yoda aussi, une montagne qui s'appelle Yoda. Bref. C'est le meilleur truc. Pourquoi Trevor, il a pas lu ça plus tôt? Au moins, on aurait rigolé un peu, quoi. Mais ce qui est très drôle, par contre, c'est qu'on retrouve dedans quelque chose qui était de base envisagé comme ouverture de l'épisode 7. Cette histoire de gant qui tient le sabre et qui tourne dans l'espace. Oui. À une différence près, c'est que... Alors, j'ai peur de dire une grosse bêtise, mais je crois que... Et c'est bien ça. C'est celui de Dark Vador dans la saga du Prince Ken, alors que ça devait être celui de Luke dans l'épisode 7. Ouais, c'est toujours une des pires idées. Hein. À chaque fois, je repense à ça, je me dis à quel le fait qu'il soit allé aussi longtemps avec ce début là, c'est tellement con. Et le pire, c'est que c'est tout aussi con dans ce livre parce que. Il y a cette histoire de débris de l'étoile noire sur Mon Calamari. Alors, je vous rappelle que l'étoile noire a explosé sur Endor, donc pas la porte à côté. Donc ils volent les morceaux. Hein, c'est... Voilà, ils avaient dit oui, il y a eu un genre de trou dans l'hyperespace et le débris il est passé dedans et puis il est ressorti à Monka, il s'est écrasé. Admettons. Il n'y a plus à ça près. Voilà. Et petite anecdote personnelle, je suis rentré chez Star Wars Universe pour faire la critique de ces livres parce que depuis leur sortie dans les années 90, donc 20 ans plus tard, personne ne l'avait toujours pas fait et donc je suis rentré chez Star Wars Universe pour faire cette critique-là. Quel courage. Ah, sympa le cadeau d'arrivée. Voilà. Donc vous en avez 3, là il y en a 6. Hein. Ah ouais. Non, moi j'ai trouvé que ça. Il devait y en avoir 9. Il devait. Il devait faire. Ça, pour le coup, je peux te le dire, ça s'est pas très bien vendu, c'est pour ça qu'il y en a que 6. Ah merde, non, j'aurais pas cru. Voilà. Il y en a qui ont fait des faux trucs où ils ont repris Jabba, ils lui ont rajouté la barbe de Zorba et tout, c'est extraordinaire. Donc voilà, on va essayer d'oublier ça. Donc j'en étais aux années 90 où on relance un peu tout ça. En plus, il y a la prélogie qui s'ouvre, donc il y a de nouveaux horizons avec les films. Et c'est là qu'on va découvrir un peu quelque chose qu'on a énormément aujourd'hui, c'est les œuvres pour accompagner les films. Mmh. Il y avait beaucoup d'œuvres préquelles au film qui se passent avant. Et contrairement à ce qu'on a depuis le rachat, limite on fermait le livre, on pouvait mettre play sur le film sur notre télé. Et ça s'enchaînait à merveille. C'était à la seconde près. Et surtout, comme il n'y avait pas ce culte du secret, du spoil, etc., il y avait des gros éléments du film qui étaient déjà dans le roman qui se passe juste avant. Genre Dark Maul, on te le foutait à toutes les sauces partout. Il fallait te le vendre à tout prix. Donc, il y a eu, pour l'épisode 1, c'était Vent de trahison, qui est un excellent roman politique. Avec quand même de l'action, parce que il y a des complots qui mènent à ce qu'on voit dans l'épisode 1. Il y a eu, pour l'épisode 2, pour le coup, celui-là, il est très mauvais. C'est Une tempête approche, si je dis pas de bêtises, en VF. Décidément, l'épisode 2. Voilà. Et pour l'épisode 3, il y a le génialissime roman Le Labyrinthe du Mal. Et pour le coup, l'épisode 3, on a eu un qui se passe juste après, c'est-à-dire que ton film est fini, tu ouvres le roman avec Dark Lord, l'ascension de Dark Vador, si je dis pas de bêtises aussi. Voilà. Okay. Donc pour le coup, il y a plutôt de la qualité, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui, mais on accompagne quand même les films là où. Là où les comics vont, eux, plutôt essayer d'aller un peu entre les films. Donc, il y a eu beaucoup, au début, des histoires sur les Jedi entre l'épisode 1 et l'épisode 2, ou même avant l'épisode 1. Donc, où on suit un petit groupe de Jedi en mission. Il y a pas mal de Jedi qui crèvent, hein, pour être honnête. Okay. Et ensuite, va y avoir la série de comics Clone Wars. Donc... très sombre, hein. C'est pas forcément comme la série d'animation, hein. On a des Jedi qui meurent par dizaines, hein, dedans, avec la création de personnages tels que Asajj Ventress ou Kunlan Vos. Mmh. Donc c'est encore une fois, on va combler. Ça, ouais, j'allais dire, non, Kunlan Vos. C'est pas que Jane Buscema a carburé là. C'est ça. C'est l'arrivée de Dursema, d'abord sur une série sur Queen and Voss. Un peu, c'est pas ses origines, mais à partir du moment où il a perdu la mémoire, et ensuite on le retrouvera dans la série Clone Wars. Donc nouvelle série régulière, si je dis pas de bêtises, c'est la série République. Et est-ce que c'est la toute première série régulière ou est-ce qu'il y a eu la série Empire avant? C'est une bonne question, mais c'est à peu près à la même date que voilà, on a ces séries régulières qui sont lancées, donc auront comptabilisé République et Empire ont dû avoir plus de 50 numéros chacune pendant ces années-là. Et le truc avec Maul, ça faisait partie de ça ou c'était encore avant? Je sais plus. Elle avait dessiné un truc avec Maul où il allait défoncer le Soleil Noir parce qu'ils avaient des infos. Oui, on est dans les mêmes années, donc c'est pas sorti avant le 1, mais c'est sorti sans doute quelques années après. T'as 10 pages de Dark Maul torse nu qui déboîte des droïdes au début, sans penser. Ah, je l'ai celui-là. Il est sympa celui-là. Je t'envoie mon adresse. Oui, ouais, je t'envoie une illustration. Mais Vas-y. Non, tu avais dit que ça avait changé de maison d'édition, notamment pour les romans. Oui. Même si on avait Random House avant et Del Rey après. Est-ce que ça a eu une influence, vu que tu nous as parlé après de la saga du Prince Ken, je pense pas, mais ça avait une influence sur la qualité ou la direction des romans, ou ils s'en foutaient complètement que ça. Alors, la qualité, chacun jugera. Pour ce qui est de la direction, c'est ce que je disais, on va avoir donc un casting d'auteur et surtout une vision à long terme. Une vision à long terme, c'est à ce moment-là qu'est lancé donc le Nouvel Ordre Jedi, qui durera de 1999 à 2003. 19 romans en 4 ans, avec, je sais pas, il doit y avoir 6 ou 7 auteurs différents pour tout ça. Donc, on se rend bien compte qu'il faut mettre tout le monde autour d'une table et travailler ensemble. Et c'est à ce moment-là que vraiment la cohérence va apparaître et qu'on va avoir une œuvre qui se passe pendant la prélogie, mais dont des éléments vont être réutilisés dans une œuvre qui se passe après l'épisode 6. D'accord. C'est à partir de Del Rey qu'ils ont commencé à essayer de faire plus gaffe à ça, quoi. C'est ça. Ok. Tout à fait ça. Avant Del Rey, c'est un peu comme si tous les romans ont été écrits un peu la même année, on va dire 91, 92, et ils ont été distillés jusqu'en 99. J'exagère, ils n'ont pas été écrits la même année, mais oui. c'est un peu l'effet que ça donne. Comme s'ils avaient été tous synchro sur tous les trucs, quoi. C'est ça. Par contre, il y avait quand même une directive qui avait été donnée, c'est le vote il se passe tant d'années après l'épisode 6, le vote il se passe tant d'années, le vote tant d'années. Mmh. Ok, ouais. Voilà. Par contre, il n'y avait pas de cohérence entre comics et romans. Dans Dark Empire, on voit Coruscant se faire détruire. Coruscant, ça devient une zone de guerre, un no man's land, ce que tu veux, quoi. Les immeubles sont rasés, etc. Il y a un roman qui se passe un ou deux ans après, Coruscant, pas de mention à tout ça. Ouais, mais le bâtiment, ça va, ça se construit. Ouais, c'est ça. Ça change donc à partir de 99. Il y a des rapprochements Dark Horse Del Rey. On peut noter le projet Night Errant, qui est un projet cross-média avec un comics, un roman, un comics. On aura Invasion un peu plus tard, où une série de comics va se passer pendant le Noge, après la publication des romans. Donc il y a un rapprochement, il y a une volonté de faire les choses un peu différemment. Mmh. Différemment comment ? Bah, c'est ce que je dis, c'est plus de cohérence, plus de cohésion entre toutes les histoires. On fait un véritable univers étendu et on essaye de faire un univers canon où rien, dans la mesure du possible, ne se contredit. Du coup, dans le chat, on me demande s'il y avait quelqu'un qui gère un peu ça, du coup, chez Del Rey, j'imagine, ou c'est juste que les auteurs étaient en contact les uns avec les autres. Il y avait Sue Rostini, Shelley Shapiro et Randy Stradley, avec toujours les Lanchi. Voilà. Encore une fois, rien d'officiel, mais on avait ce petit groupe qui chapeautait l'ensemble. De manière officieuse. Et c'est là que tout a basculé. Voilà, donc le match commence. Les comics, pendant ce temps-là, sont vraiment sur une période où on reste dans l'encadrement des films. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on s'en éloigne pas trop, donc il y a quelques comics avant, il y a quelques comics après, on n'est plus comme dans les années 90 où il y avait les comics qui se passaient des millénaires avant sur l'origine des vieilles guerres Jedi et Sith, tout ça, il n'y en a plus pendant un petit moment. Et les comics des millénaires après, ça vient plus tard, après le Noge, ça en l'occurrence, des centaines d'années après, mais oui, ça viendra après le Noge. Après que le Noche sera fini, c'est là qu'on va commencer à étudier. On va commencer à voir apparaître pour les comics donc la grande saga KOTOR, Chevalier de l'Ancienne République, et la grande saga Legacy, qui se passe un siècle après les films. Mais au début des années 2000, on est vraiment sur les films. Donc, on a la série Empire, on a la série Rébellion, on a la série Clone Wars. Donc, on voit qu'on reste sur l'encadrement des films. Igloo ? Oui. Je me servais à boire, désolé. Ça s'est entendu. Sous-shot sur le podcast. Gloom. On notera aussi d'ailleurs que voilà, après le Noj, après tout ça, on va avoir le premier crossover comics de l'histoire de Star Wars avec la série Vector. Donc, pas tout à fait un crossover. En fait, il y a un personnage qui va sauter de série en série. Il apparaîtra d'abord dans la série KOTOR. Ensuite, on verra ce personnage apparaître dans la série Dark Time. Ensuite, Rébellion, si je dis pas de bêtises, et enfin Legacy. Donc voilà, donc on a un personnage qui vit très vieux, hein, vous le voyez. C'est clair. qui apparaîtra dans ces différentes séries, et donc qui proposera le premier crossover de l'histoire de Star Wars. Crossover comics. Ok. Voilà, donc je pense que... Et niveau roman, je pense qu'on en est arrivé au Nouvel Ordre Jedi. Voilà, ah, ça y est. Le début des années 2000. Ça y est. Voilà. Qui est donc la plus grande série de romans Star Wars qui existe, puisqu'elle compte 19 tomes, plus un certain nombre de nouvelles, d'e-books, de nouvelles très très longues. Il existe des petits numéros de comics à droite à gauche avant la série Invasion. Qui, elle, explorera aussi cette très grande période qui s'étale donc de 25 ans après l'épisode 4 jusqu'à 29 ans après l'épisode 4. Voilà, donc tout le monde a bien grandi. Luke a fondé son nouvel ordre Jedi. Anne et Leia ont 3 enfants, dont des jumeaux. Luke s'est marié. La Nouvelle République est en paix avec les vestiges de l'Empire. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais. Sauf que... Sauf que... Jusqu'à ce que... C'est là que beaucoup ont eu du mal avec cette série, puisqu'une race guerrière extra-galactique vient d'une autre galaxie, rentre dans la galaxie Star Wars pour la conquérir, hein, rien d'autre. Et cette race a deux particularités. La première, c'est qu'elle a une technologie organique, donc entièrement vivante. Les vaisseaux sont vivants, les armes sont vivantes. Leurs épées, c'est des serpents qui peuvent se solidifier. Ils tirent des boules de plasma. Ils ont des créatures qui leur permettent de communiquer. Ils ont des créatures qui leur permettent de s'habiller. Vraiment 100% organique, justement parce qu'ils ont une phobie de tout ce qui est intelligence artificielle, droïdes, etc. C'est dans leur religion, dans leur culture, c'est totalement interdit. Leur deuxième particularité, c'est qu'ils sont totalement indétectables dans la force. Et la troisième caractéristique, c'est qu'ils sont complètement flingués du cul. C'est quoi, c'est... On dirait trop les orques dans les films. Qui s'appellent les Yuuzhan-Vong. Ils sont aussi, donc voilà, comme tu le dis, je dirais pas flingué du cul, mais c'est dommage. <juste. rire> Ah si, moi je dirais flingué du cul. Il performe, dis donc. Tu veux pas en montrer un au naturel? Tu dois pouvoir trouver une image. De quoi? Bah attends. Est-ce qu'on peut au naturel là? Non, c'est une race qui se scarifie. Ouais. Pour, ce qu'ils aiment pour, bien. Pour porter hommage et gloire à leur dieu. C'est un domazo de l'espace, je sais pas ce qu'il faut. Il se scarifie, il se tatoue le corps entier aussi. Il se greffe dans le corps. Ils se grèvent des bouts de corail dans le corps. Donc là, tu vois, ils se coupent le nez, ils se coupent les lèvres. Hein, ils n'ont plus de nez, ils n'ont plus de lèvres. Ils n'hésitent pas aussi, par exemple, à s'enlever un œil et à le remplacer par un être vivant. Qui jette de l'acide, parce que c'est badass. Qui jette de l'acide, voilà. Un petit ver qui vient se loger dans ton orbite. Ah, what the fuck. et si tu as besoin, le petit ver, il peut cracher de l'acide sur ton ennemi ou du poison. J'en peux déjà plus. Moi. Je te jure, j'en trouve pas. J'en trouve pas des pas éclatés. Mais sinon, au naturel, ça ressemble à un humain, mais avec une peau blanche ou violette. Pire, c'est que, c'est que je sais ça déjà de base, hein, mais rien que le renton, ça, non, ça marche pas. Hein. Ils sont trop hardcore. Dans les moments, c'est mieux décrit. Je découvre rien, là, mais rien qu'entendre l'accumulation de trucs, c'est éclaté, je suis désolé. Hein. Encore une fois, les romans sont bien écrits. Je veux pas dire le contraire, c'est cool, c'est bien écrit. Et pour une fois, il y a de l'enjeu, on peut pas dire le contraire. Putain, donc, que c'est éclaté. Donc, le premier livre a eu un succès retentissant, et notamment a choqué un très grand nombre de personnes. C'est Vector Prime. C'est Vector Prime, puisque donc une avant-garde de ces guerriers arrive dans les galaxies. Donc il y a vraiment tout un build-up dans le livre, hein, avec une montée crescendo de la tension, où la scène principale du livre, c'est un petit avant-poste en bordure de la galaxie qui surveille la bordure de la galaxie pour voir si on détecte des trucs de l'autre côté, etc. Et puis un jour, il y a un point qui apparaît et qui se dirige vers eux. Donc il y a de la tension, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas pourquoi, et on découvre que parmi l'avant-poste scientifique, il y a un Yun Zambong infiltré qui est... bon allez, je vais vous donner de l'eau à votre moulin. Il porte une tenue en fait, pour cacher toutes ses scarifications. Il a une tenue organique, donc en fait c'est comme une grosse méduse, tu vois, avec plein de petits tentacules. Et tous les petits tentacules viennent se mettre dans chacun des pores de ta peau. Je me souviens de ça. Et ça épouse totalement ton corps, ta peau, et ça te donne l'apparence de quelqu'un d'autre. C'est pété. Ouais, c'est du latex, quoi. Voilà, c'est du latex. Sauf que, comme il le décrit, il y a une intense douleur quand chacun des petits tentacules rentre dans les pores de ta peau. Parce que... Une délicieuse douleur, parce que les Yuzambons, voilà, aiment la douleur. Et tant qu'à faire, ouais. Ils pourraient être discrets avec leur kink. Non. Les mecs, ils font ça en public. Les Yuzambons ne méditent pas. Ils ont un... Je sais pas comment appeler ça. Un genre de corde vivante qui s'appelle l'étreinte de la douleur, et ils rentrent dedans, et en fait ça te tire les bras et les jambes en arrière et ça t'écartèle, et ah, ça est trop bien. Ils sont tellement hardcore. Ils font trop rire. C'est exactement. Pourquoi Snoke s'en est pas un? Ça aurait été encore plus drôle. tu sais, non, franchement, vu où on en est rendu dans le 9, j'aurais encore préféré les Vong, hein. Je te garantis qu'au moins on aurait rigolé un peu. Et en fait, c'est parce qu'ils ont vraiment une approche de la vie, de ce qu'offre la nature, d'être vivant, etc. Et donc, tout leur trip à la con. C'est un délire quand même, ouais. Leurs différents dieux. Hein. Enfin, c'est que c'est les dieux de la douleur, de la guerre, de la souffrance. Enfin, c'est la vie, ouais, mais la vie. C'est comme dit Jean-Eusep dans le chat, là, le Warhammer 40 000, ça a ce côté vraiment fantasy très hardcore, dans le sens très poussé, qui détonne un peu dans l'univers Star Wars. C'est étonnant. C'est complètement fantasy, grimdark et tout. C'est pour ça que je les aime pas, quoi. Enfin, En même temps, tu vois, je comprends la justification de dire non, mais tu vois, ils ressemblent à rien de ce qu'il y a dans Star Wars parce qu'ils sont extra-galactiques. Ça se tient. Et d'un côté, je suis genre, ouais, mais en fait, on est quand même toujours dans Star Wars, tu vois. Disons que c'est compliqué. Tu aimes Star Wars parce que les vaisseaux, vieilli des infrastructures modernes, enfin, voilà, il y a tout ce côté. Ouais, c'est le use future. Ouais, j'ai cherché le mot, je remercie, je crois que c'est ce terme-là. Je galérais bien, là. Mais on aime Star Wars pour ce genre de trucs, ouais, on a des vaisseaux, des machins, des trucs comme ça, comment ils sentent. Et d'un seul coup, on te ramène un truc complètement différent dans l'univers que tu apprécies et qui vient en plus lamer la gueule de tout le monde. Mais moi, je voulais lire un livre Star Wars à la base. Vous pouvez pas me mettre des Jedi? Non, mais les Jedi, il y en a assez. En fait. Je peux avoir un X-Wing, peut-être deux X-Wing. Justement, ça a plu parce que, enfin, ça a plu à certains. Parce qu'il y a eu avant une décennie de romans où on suit des groupes de héros immortels qui survivent à toutes les menaces. Les Han, Leia, Luke, Chewbacca, R2-D2, 3PO et compagnie. Ils ont vu des menaces en veux-tu, en voilà. Ils sont immortels, littéralement. Et puis, surtout, ça commençait à tourner en rond sur « Ah, il y a un groupe d'impérial caché qu'on avait oublié qui revient. Ah, il y a un forcé obscur qui arrive, un ancien disciple de l'empereur qui revient. Bref, chacun de ces thèmes est exploité une, deux, trois fois. Donc, au bout d'un moment, ça devient saoulant. Fallait quelque chose de totalement nouveau. C'est clair qu'ils avaient fait le tour des seigneurs de guerre impériaux. Voilà, ils avaient fait le tour de tout ça. Ouais, mais et on est à une période où la Nouvelle République est puissante. L'Ordre Jedi, Luke, il en est déjà à 200 ou peut-être 300 Jedi de formés qui commencent à vadrouiller dans la galaxie. Si on veut faire une saga épique et pas refaire une énième trilogie avec une petite menace dedans, fallait envoyer quelque chose, quoi. Mais est-ce que quelque part ils cherchaient pas le soft tribute à travers cette série? Reboot l'univers entre guillemets une fois qu'ils avaient fait, parce que quand même, ouais, t'as pas encore fait le détail, mais ils pourrissent bien toute la galaxie au passage. Enfin, il reste pas trucs. Je pense plutôt qu'il y a une presque zéro. Quoi. Je pense plutôt qu'il y a une forme de George Lucas arrive avec sa nouvelle trilogie. Déjà, le premier roman, c'était pas sûr qu'il y ait une suite. Ça dépendait du succès, etc. Dans le premier roman, c'est pas vraiment dit que c'est des éclaireurs, hein, ce qu'on voit. On pense que c'est à peu près tous ceux qui existent. Et par la suite, on fera comprendre avec un genre de retcon que en fait c'était juste des éclaireurs. Bref. Et donc, il y a cette nouvelle trilogie qui arrive. A priori, la dernière. Donc, on peut se lâcher. On peut enfin raconter quelque chose qui va remodeler la galaxie. Il y a ça qui doit beaucoup jouer sur la création de cette immense saga et de ces méchants si particuliers qui vont ravager la galaxie et qui vont être dans les guides Star Wars décrits comme la guerre qui aura fait le plus de morts dans l'histoire de la galaxie. Ah bah oui, peu. C'est une guerre de 4 ans. Ah, seulement 4 ans? Bon, seulement 4 ans, t'as vu la post-logie? Oui, bah, j'ai vu le lundi qu'ils ont foutu, justement. L'idée de base des Wong, ça vient d'un mec, de plusieurs gars. Comment ça s'est goupillé? C'est le premier auteur qui a... Ils apparaissent pour la première fois dans un comics. Donc, c'est l'Empire Écarlate. Ok. C'est pas dit que c'est des Wong. Il n'y a qu'un personnage énigmatique qui est toujours encapuchonné. et il donne son nom. Et par la suite... non, ça, c'est pas l'Empire Écarlate. James Wong, c'est pas ça? Comment? Laisse tomber. Donc, ce personnage s'appelle Nomanor et dans le premier roman il apparaît, donc on découvre qu'en fait c'était un Wong. Donc il y a eu une préparation, je suppose. Il y a eu quelqu'un qui a dit on va arriver avec cette idée là qui sait, je sais pas. En tout cas, l'auteur du roman, c'est R.A. Salvatore. On n'a pas eu d'infos par la suite en disant ouais, on s'est mis d'accord là dessus enfin, yes. Ça s'est pas goupillé. Moi j'en ai pas vu, mais il y a eu cette phase de ça arrive chez Del Rey, donc on marque le coup, ça sera notre premier roman, donc vas-y, on y va à fond, quoi. Et ils y sont allés à fond, parce qu'à la fin, donc il y a l'Ordre Jedi de Luke qui débarque pour outrer un peu ces soldats venus d'ailleurs. Malheureusement, les Jedi, ils sont un peu démunis face à eux, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser la plupart de leurs techniques de la force sur eux, puisqu'ils en sont, absents. Et on va y venir. Ah oui, c'est vrai, tu nous l'avais expliqué. C'est vrai, on va y venir. Et donc, ça se termine avec l'évacuation d'une planète et Chewbacca qui se sacrifie pour sauver le troisième enfant, pas ce que vous voyez là à l'écran, le troisième enfant de Han et Leia. Donc il crève quand même après. Jacqueline, Jaina et Anakin, c'était ça. Hein. Ouais. Voilà, ça c'est un des trucs que je déteste le plus. Les jumeaux et Anakin. Dans quel univers Leia elle va appeler son gosse Anakin? C'est pas Luke? Tu l'as marre. Elle l'a fait pour réhabiliter la personne de bien qui était son père avant d'être Dark Vador. Mais déjà, quand est-ce qu'il a été une personne de bien, Anakin? Hein? On est en 1999, les épisodes 2 et 3 n'existent pas. les femmes aussi, les enfants. Non, mais je sais pas pourquoi. Moi, j'ai toujours trouvé ça très bizarre qu'ils aient décidé de donner Anakin comme prénom à un des enfants de Leia, quoi. J'étais gamin, ça rimait, je m'en foutais un peu. Juste parce que je vois qu'Adette, Adette Fortos, ça a l'air un peu. Enfin, elle dit que c'est pas plus éclatax que le reste de Star Wars, que à quel moment c'est être un délire, c'est un défaut en science-fiction. Et on rigole. Hein. Je vanne beaucoup, mais moi ça me fait rire parce qu'ils sont hardcore. Mais j'en ai lu plusieurs. Les bouquins déjà, ils sont hardcore, c'est clair, mais ils sont bien écrits. Par contre, c'est sympa à lire. Et si on arrive à passer le cap de l'univers que j'apprécie sans prendre plein la gueule pendant je ne sais pas combien de tomes, je pense 19. Que c'est super à lire. C'est 19 tomes, putain la vache. C'est, en plus, je crois que le premier est vachement épais, il me semble. Oui. Non, c'est des super bouquins. Bon, moi, j'en ai du mal pour rigoler, parce que clairement, on peut kiffer, il n'y a aucun souci, mais c'est juste que j'ai vraiment eu du mal à accrocher, et ce n'est pas ma période préférée. On a pu voir, hein, j'ai plus à fond sur les X-Wing que là, hein, mais c'est de qualité quand même. Ouais, moi-même, j'ai expliqué pourquoi ça ne me plaisait pas. Après, je comprends que ça puisse plaire à d'autres. Voilà. Et puis, comme tu disais, Lane, c'est quand même mieux que d'avoir une énième répétition de la même histoire. On ne peut pas leur reprocher d'avoir essayé un truc nouveau. Ah non, ça c'est clair. Tout à fait. Et c'est aussi un peu un méga crossover, c'est-à-dire que par la suite, dans les tomes suivants, et par exemple, les tomes 2 et 3, c'est une duologie écrite par Stackpole. Et en fait, 2 et 3, bah, c'est suivre cette guerre du point de vue de l'escadron Rogue. Donc, il reprend son Rogue Squadron de ses romans Rogue Squadron, presque 10 ans plus tard. Et donc, il montre comment l'escadron Rogue va devoir gérer cette nouvelle menace avec ces vaisseaux si particuliers, et notamment l'escadron Rogue. Ok, ils savent détruire des destroyers, mais détruire des vaisseaux vivants, comment tu fais, quoi? Ouais. Et puis je crois que Wedge est devenu capitaine de destroyer ou un truc comme ça entre temps. Général. Voilà, donc il y a certains auteurs qui reviennent et qui vont un peu exploiter leur élément précédent. Et il y a d'autres livres donc, qui ne sont pas repris par le même auteur, mais tout à l'heure, on a mentionné la trilogie corellienne. Et bah, il y a tout un des romans du Noche qui va tourner il y en a même deux qui vont tourner sur une technologie particulière qui est présente dans la trilogie corellienne et qui va devenir un élément central de deux romans du Noche. Il y a un autre roman qui s'appelle Treva Bakura, qui datait donc pareil hein, de la décennie précédente, dont les éléments vont être récupérés dans un autre roman du Noche. Donc il y a vraiment un méga crossover où on va aller, ça y est, piocher dans les livres précédents pour apporter un peu plus d'ampleur et un peu plus de grandeur à cette grande saga. Oui, parce qu'après on a tout un... Enfin... Il y a l'alliance qui s'allie avec les restes de l'Empire pour poutrer la gueule au vent. Ça. Sauf que l'Empire va se faire défoncer, donc ils vont préférer rester dans leur coin, fortifier leurs frontières. On les reverra qu'à la toute fin, quand les Vongs sont sur le point de se faire détruire. Là, ils veulent bien ressortir pour donner un coup de main. La République qui se pète là. Enfin, je crois même que les Vongs, ils attaquent la République directement. J'ai souvenir d'avoir lu un truc, c'est au Sénat. Ah, oui. Il y a une attaque dans donc, le Sénat. La saga est en deux parties. T'as tout ce qui est avant le roman étoile après étoile et t'as ce qui se passe après, donc c'est le roman charnière hein, qui est à peu près au milieu, je sais même pas c'est le combien, c'est le 9, donc voilà on est vraiment au milieu, étoile après étoile, donc dans ce roman en gros la Nouvelle République est détruite, Coruscant tombe. Le roman, globalement, c'est une seule grosse bataille. Hein, c'est une grosse bataille sur Coruscant. Et la deuxième partie de la saga du Noche, c'est la République, les bouts de Nouvelle République qui restent en fuite, qui vont fonder ce qu'ils appelleront l'Alliance Galactique. et essayer de reconquérir la galaxie des mains des Vong. Et donc, dans toute cette deuxième partie, on va avoir deux choses principales. La première, c'est essayer de mieux comprendre les armes de ces aliens extragalactiques pour pouvoir les combattre. On a notamment la fille de Han et Leia qui va réussir à voler un vaisseau Vong et qui va s'en servir contre eux de la plus belle des manières. C'est dans cette partie-là que le Lusang Kia dont on parlait tout à l'heure va être détruit aussi de la plus belle des manières. Tout ça pour monter à la reconquête de Coruscant dans le dernier roman, avec Luke qui, lui, à côté, fait toute une quête pour essayer d'en apprendre plus sur les Yuuzhan Vong, sur leur histoire, pourquoi ils sont coupés de la force, et surtout essayer d'en apprendre plus sur leur apparition dans la galaxie, est-ce qu'ils sont déjà venus, si oui, où. Et c'est là qu'on va avoir un peu une autre forme de crossover, c'est qu'il va y avoir un petit roman qui va être publié à peu près dans les mêmes années, qui lui se passe pendant la prélogie et qui va donner un peu plus d'éléments sur le secret des Yuuzhan Vong, notamment avec un personnage très mystérieux de cette période qui est la Jedi Vergère, genre d'oiseau violet. Oui. Voilà, donc on voit bien le côté cohérence, mais surtout vision à long terme, parce que on va publier un roman qui se passe pendant la prélogie, mais qui est lié à un roman qui se passe pendant le Noj, et quand je dis lié, c'est même pas lié, c'est qu'il est presque, c'est presque un Noj tome 0 à lire pour en savoir plus. Ouais. Et juste une question, il y a une raison particulière pour laquelle les Vong arrivent dans cette galaxie-là plutôt qu'une autre, ou est-ce que c'est un truc qu'ils expliquent à un moment ? Non, ça c'est pas expliqué, par contre il y a bien... C'est un truc spécial pour eux ? Non, il y a bien, ça fait 10 000 ans qu'on est en train de... Ils errent en fait entre les galaxies depuis des milliers d'années. Et si je ne dis pas de bêtises, dans le jeu KOTOR de 2003, si je ne dis pas de bêtises non plus, quand tu parles, tu as une scène de dialogue avec Kanderous Ordo, où il te dit... Il a trouvé un genre de balise éclaireur organique et qui savait pas trop ce que c'était. Et donc, si tu suis le puzzle, tu te rends compte qu'en fait, les Yuuzhan Vong envoyaient des sondes dans plein de galaxies pour essayer d'en trouver une habitable. Ok. Ok, non, je vois. C'est toujours sympa les petits easter eggs comme ça. C'est ça. Je sais plus s'il a expliqué pourquoi ils viennent, parce qu'ils ont pourri leur galaxie, c'est ça. Hein. Vas-y. C'est ça. Vas-y, donc, ce qui a créé toute l'histoire, c'est que ils vivaient dans leur propre galaxie, et dans leur galaxie, il y avait deux races en guerre perpétuelle. Ces races se sont éteintes, mais dans leur guerre, ils avaient créé des machines pour combattre pour eux, des robots, des droïdes, tout ce que tu veux, genre en mode séparatiste. Et ils ont beau être détruits, ces deux races, par leur guerre incessante, leurs machines ont survécu. Skynet et compagnie. Et les machines ont continué de se faire la guerre entre elles. On voit encore la cohérence, okay. parce que ces machines-là, ils ont été en repioché une dans la trilogie de Lando Calrissian, qui, je le rappelle, date de 1983. une des deux races, tu la vois dans la trilogie de Lando Calrissian. Au milieu de cette guerre incessante entre les machines se trouve un petit peuple sur sa planète qui ne demande rien à personne et qui est dommage collatéral. Ils étaient occupés à se faire du bien, à se coter le cul avec des ronces, mais ils étaient contents. Ils pas encore, justement, à l'époque. À l'époque, pas encore. Et donc, ils demandent... Alors Dieu, on va faire simple, un moyen de se défendre, de s'en sortir. Et leur Dieu monde, parce que leur planète était finalement ce que représente de plus beau la force, leur planète était la représentation de la force, donc c'était une planète vivante. Ils vivaient sur une planète vivante. Et donc leur monde force leur a répondu en leur donnant les armes pour combattre ces machines, des armes comme la force elle-même, des armes vivantes. Ils ont eu toute leur technologie organique, ils ont poutré les deux robots là, les robots, ils sont fait la telle cul, et c'est pour ça qu'on en retrouve dans la galaxie Star Wars, notamment dans la trilogie de Lando Calrissian. C'est les 2-3 survivants qui restent. Ils se sont fait poutrer, les robots, et les Yuuzhan Vong se sont retrouvés maîtres de leur galaxie avec leur technologie organique. Que fait une race quand elle se retrouve dans cette situation ? Elle s'attaque les uns les autres. Un des éléments de leur technologie, c'est un genre de gros ver qui peut créer des puits de gravité, et c'est notamment grâce à ça qu'ils peuvent déplacer leur vaisseau. Sauf que ces gros vers, tu peux aussi les utiliser pour faire tomber des lunes sur les planètes. Voilà. Et donc ça a été la plus grosse technique utilisée dans la guerre, leur guerre civile. Et donc vous vous rendez bien compte que leur galaxie s'est retrouvée un petit peu ravagée. Mais à force de faire tomber des lunes sur les planètes, il n'y en a plus beaucoup. Ils auraient été bien potes avec, avec Palpatine, en fait. C'est leur technique de dissuasion nucléaire, sauf qu'eux, ils ont appuyé sur le bouton. Donc ils ont ravagé leur galaxie. Et ils ont notamment ravagé leur monde mère, leur monde vivant, et donc, vous vous rendez compte que la Force n'était pas très content. Parce qu'elle leur a donné des jouets et eux, ils ont tout cassé l'œuf de la Force avec. Donc, qu'est-ce qu'a fait la Force pour les punir ? Elle les a coupés d'elle-même. Et c'est pour ça qu'ils sont absents de la Force. Et c'est pour ça que leur technologie organique est de moins en moins performante, se dégrade avec le temps. Et c'est pour ça que la galaxie Star Wars, c'était leur dernière chance de trouver un nouveau monde pour vivre. Bon ? Du coup, ils ont commencé à se... En fait, expliqué comme ça, je trouve que la Force est vachement présentée comme si c'était un dieu, genre qui décidait des trucs et tout. Ouais. Mmh. Mais elle décide. Il y a un gros délire de divinité, enfin de panthéon et tout, avec les Vong. Ça, c'est toute l'œuvre. Enfin, je crois que toute l'œuvre est comme ça. Hein, ça, ouais, tous les dieux sont plus ou moins décrits à un moment et on découvre des adorateurs d'un peu chacun des dieux au fil des romans. Et un autre hitcon qui a été fait d'ailleurs par la suite à la saga du Noj, ils expliquent que si l'empereur voulait faire l'Empire et étoile noire et compagnie, c'est parce que l'empereur, en fait, on découvre dans le roman avec Vergère, mais qu'il était au courant qu'ils arrivaient. Et qu'il avait besoin d'une armée gigantesque et d'armes. Ouais, c'est pour ça qu'il avait dans son observatoire sur Jakku, ouais. Je peux voir ça comme ça. Attends, j'ai pas bien compris. Genre, c'est un truc, c'était vraiment son objectif initial ou c'est un truc où il essayait de faire passer la pilule en voulant le justifier comme ça? Non, c'était son objectif initial et il l'a jamais avoué. Ok. Oui, il l'a su avant d'être empereur. Il l'a su après l'épisode 1. Ouais, c'est la réhabilitation, ça. Hein, oui, c'est là. Et ils l'ont fait aussi pour l'amiral Thrawn. Ils ont dit que en soi, c'est pas un méchant. Vous voyez bien comment il est décrit, le Chiss. Hein. Ils veulent, c'est un amiral de l'Empire, mais ils veulent pas vraiment nous le faire passer pour un méchant souvent. Mmh. En fait, ils ont essayé de le réhabiliter en disant que lui, ce qu'il veut, c'est la paix dans la galaxie. En soi, la Nouvelle République, ça lui allait. Lui, il n'avait pas forcément envie de la détruire. Sauf qu'il disait que la Nouvelle République n'arriverait jamais à vaincre les Vong, et donc il fallait qu'ils viennent, qu'ils unifient la galaxie, qu'ils construisent des tas de vaisseaux pour pouvoir les combattre quand ils arriveront. Et c'est le problème d'être trop intelligent, en fait. Voilà, tu perds du temps à expliquer aux gens stupides. Voilà, c'est une malédiction, en fait. Mais tout ça, c'est des retcons qui sont venus après le Noj. Hein. Ok. Donc, on a cette longue saga de 19 romans, particulièrement violente. On a des livres où, je pense à Étoile après Étoile, où au début, on a un casting d'un commando de Jedi. À la fin, son commando, il doit rester... Deux ou trois ? Non, un peu plus, quatre. Par la suite, on découvrira qu'il y en avait deux, trois autres qu'on croyait morts qui étaient en fait vivants, mais il y a une bonne dizaine de morts dans le commando, quoi. Ouais, et puis la moitié se sont retrouvés avec des oursins mutants dans le cul, donc... Je veux que tu parles plus souvent. C'est notamment dans ce livre que le fils de Han et Leia, donc Anakin Solo, voilà, meurt. C'est une hécatombe ce bouquin. Mais d'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'ils visaient les adultes avec ça, est-ce qu'ils avaient une idée de la cible du public Star Wars qu'ils visaient réellement? Tu donnes pas le Nouvel Ordre Jedi à des enfants. Bah oui, c'est ça. C'est que, enfin, pour le côté masochiste des Vong, tu peux pas. Moi, j'ai dû lire. je l'ai lu à l'époque de la saison de l'épisode 2, donc ouais, collège quoi. Enfin, ouais, fin, ouais. Donc 2002, oui. 2002, ouais, oui, au collège. Oui, c'était raide, hein, quand même. Non, mais je vais pas te dire le contraire. Mais j'aime bon, bien après, ça mène. Ça mène quand même à de très belles choses. C'est là-dedans que le fils de Luke et de Mara Jade va naître. C'est une belle chose. Ben ça. Skywalker. Pour certains, oui. Ah oui, le personnage il est intéressant. C'est dans ce roman que se construit, c'est dans cette série que se construit réellement Jacen et Jaina Solo, qui deviendront, hein, on va pas se le cacher, les personnages principaux de toutes les œuvres qui se passent après. Lui, il rigole, lui. Parce que j'ai remis une mauvaise image sans faire exprès. Non, mais non, t'as encore fait ça. Je voulais juste revenir sur un truc. C'était pas prévu qu'on voyait des Vongs dans Clone Wars à un moment donné. Enfin, il me semble qu'il y avait des concept art pour voir si. C'est Filoni qui a dit fais-moi voir à quoi ça pourrait ressembler. Voilà. Par curiosité. Il n'y a rien de vraiment qui a été totalement écrit, je pense. Mais. C'était voir ça pourrait ressembler à quoi si on les faisait quoi. Voilà, c'est ça. Par la suite, ils sont apparus. Donc, il y a eu le roman un peu d'horreur sur Dark Maul, Lockdown en anglais, je ne sais plus comment ils l'ont traduit en français. Il se passait quoi dedans? C'est un peu des fosses de gladiateurs avec Maul dedans. Et il y a un des gladiateurs, en fait, c'est un Vong qui s'est fait. Qui s'est fait attraper, et le mec d'accord. Qui dirige, ça doit être un Hutt, hein, je pense, qui dirige les fosses de gladiateurs, il s'est dit, tiens, je vais le faire combattre. Voilà. Et le mec, et donc, Maul il l'envoie se battre, et l'autre, il commence à se planter lui-même. Je suis une grosse vilaine. Hein. Il commence à se couper les doigts de pied. Donc, qu'est-ce qui arrive aux Vong à la fin du cycle? Est-ce qu'ils se barrent? Est-ce qu'ils restent Ils se barrent pas. Donc, leur planète mère, la fameuse qu'ils ont détruite, avant d'être détruite, elle a éjecté une graine. Elle a voyagé jusqu'à la galaxie Star Wars et qui a donné naissance à une planète fille. Ah. Mortis. Luke va notamment... Non, Jonah Maseko. Jonah Maseko. Oui. La quête de Luke, justement, à la fin du Nodge, il se balade dans les régions inconnues pour retrouver cette planète, pour avoir une arme contre les Vong. Et la fin du cycle, globalement, c'est grosse bataille dans le système de Coruscant avec Jonah Maseko qui sort de l'hyperespace et qui apparaît au milieu du système de Coruscant. Pour faire simple. grâce à Jonah Maseko, ils peuvent avoir des vaisseaux organiques comme les Vong, mais jolis. Je ne sais pas comment le dire autrement. Jolis, fluides, utiles, qui fonctionnent bien. Et il y a un mélange de organique avec électronique, une fusion. Ils veulent pas dans une bombe de terre. Quoi. Voilà, le plus gros blasphème aux yeux des Yuuzhan Vong, d'ailleurs. Mm-hmm. Chez. Grâce à ça, ils réussissent à les battre. Et en fait, il y a une trêve qui est conclue. Et les Yuuzhan Vong qui restants se rendent compte que vis-à-vis de toutes les révélations sur leurs origines, etc., ils se retrouvent tous, ceux qui restent, sur Jonah Maseko, qui était finalement leur planète originale. Et la planète repart en hyperespace et disparaît dans les régions inconnues. Ok. Voilà, pour faire simple. Ok. Je me posais juste la question si c'est un truc qui pouvait toujours... Bon, maintenant, le Legend, c'est fini, mais s'ils auraient pu éventuellement les faire revenir plus tard ou... Okay. Ils auraient pu les faire revenir plus tard, oui. Il y avait des pistes qui avaient été lancées, notamment il y avait les Botans qui ont vu leur planète se faire dévaster par les Yuuzhan Vong, qui ont énoncé un acte de j'ai oublié le nom, mais c'est un acte de guerre particulier qui dit qu'ils ne seront pas en paix tant qu'il restera un survivant de cette espèce. Et donc, on te fait comprendre par la suite que les Botans, ils envoient des vaisseaux dans les régions inconnues pour essayer de retrouver la trace de la planète pour les exterminer. Je me souviens de ça, oui, ils ont une espèce de code d'honneur. Ouais. Ça avait un terme, je ne l'ai plus non plus. Et ils en reparleront aussi dans Legacy parce que il va y avoir un projet de réhabilitation de monde dévasté en essayant d'utiliser une technologie organique Yunzhan Vong, donc un projet Jedi Vong, où les Vong vont essayer d'aider à permettre à des planètes qu'ils ont, eux, dévastées pendant la guerre, à essayer de les rendre de nouveau habitables. Ok. Voilà, donc il y a un petit peu d'héritage sur cette guerre, mais dans tous les cas, cette guerre est à l'origine de tous les conflits qui suivent. La trilogie de romans suivante a lieu à cause de deux Jedi qui étaient membres du fameux commando qui se retrouvent paumés sur une planète et qui sombrent du côté obscur. S'ils n'avaient pas fait partie du commando, ça ne serait pas arrivé. La saga de romans suivante, c'est Jessen qui tombe du côté obscur, donc le fils de Aneleia sombre du côté obscur. Là que ça devient faire. Encore une fois, sans tous les traumatismes et la perte de son frère dans le Nouvel Ordre Jedi, ça serait jamais arrivé. La saga d'après, c'est... un peu compliqué, celle-là. Bah, c'est Jaina qui décapite son frère, c'est ça ? À la fin de celle où Jacen passe du côté obscur, Jaina le tue, oui. Tue son frère jumeau. Et pourquoi c'est bien, ça ? Il y a une autre saga qui se passe. Parce que c'est classe. Attends, c'est super classe. Et pourquoi c'est un des trucs qui pose problème maintenant ? Comment ça ? Dans Star Wars. C'est-à-dire, à partir du moment où tu fais une histoire où t'as la fille de Han et Leia qui est obligée de tuer son frère jumeau. Me dire, je sais pas, pour moi c'est vraiment des trucs que je trouve qui pourrissent un peu ce que ça représente Star Wars à la base, en fait. De mémoire, il la laisse faire. Non mais, ok, super, il respecte son consentement, il a un sursaut vis-à-vis de sa fille qu'il doit sauver. Je me souviens plus le pourquoi du comment, mais il y a une histoire où il sent sa fille à l'autre bout qui a besoin d'aide, un truc comme ça. Et il a par amour pour sa fille, il y a une histoire comme ça. Il laisse sa sœur le tuer. Je me souviens plus précisément. Mais c'est ça, c'est comme. Enfin, je sais pas, c'est tout ce truc-là qui donne l'impression que c'est à cause de ces trucs-là qu'il y a tout le pan de fans de Star Wars qui pensent que Star Wars, bah, faut que ce soit trop dark. Entre l'épisode 3 et ces trucs-là, genre, que ça a foutu une image dans la tête des gens de ce qu'est Star Wars, alors que c'est littéralement l'inverse de ce qu'est censé être l'esprit du truc, en fait. Pour le coup, pour moi, ça vient du Nouvel Ordre Jedi. Avant, on avait tout le monde il est beau et tout le monde y survit. Et le Nouvel Ordre Jedi a voulu être peut-être trop à l'antithèse de ça. Il est très nihiliste. Ouais, tu peux faire un entre-deux, tu vois. Voilà, il y avait sans doute un entre-deux à faire. Parce que avant le Nouvel Ordre Jedi, on a de belles rédemptions. Je pense à Qip Duron, qui littéralement va prendre le broyeur de soleil et te détruire le système solaire de Carida. Parce qu'ils sont du côté obscur. Non, il est plus ou moins contrôlé par un fantôme. Bref, mais peu importe. Et à la fin. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Mais à la fin, il a un mea culpa et il regrette. Et cette histoire le suivra toute sa vie. Il va toujours être un Jedi un peu borderline. Mais il a une rédemption. Une rédemption. Ouais. Non mais ouais, ouais, c'est vrai qu'entre les... Jacen ne l'aura pas, et ça va même aller plus loin, parce que la saga de roman qui suit, c'est Luke qui retrace tout le voyage de Jacen dans la galaxie pour essayer de savoir pourquoi il est passé du côté obscur. Ça a l'air fun. Mais le problème, c'est que dès le nouvel ordre Jedi, t'as des bouquins qui finissent mal tout court. Quoi. C'est même pas que c'est genre le deuxième acte et après ça ira mieux. C'est juste que les bouquins finissent mal. Quoi. Bah, comme la post-logie au final. ça finit mal. Et donc, la saga suivante va reconnaître d'ailleurs un peu son passage du côté obscur où il avait une vision où il voyait que. Si lui ne passait pas du côté obscur, ça serait sa fille et il voulait pas ça pour elle. Et donc c'est lui qui passe du côté obscur. Pour faire simple. Parce que, pour être honnête avec vous, dans cette saga suivante, il y a Mortis. Ouais. Ah, ok. Donc c'est, je c'est, savais pas que ça venait... Un peu compliqué. Je pensais que c'était une invention de The Clone Wars. Okay. Oui, bien sûr. C'est une invention de The Clone Wars qui est reprise dans cette saga. C'est la dernière saga après. qui est sortie avant le... Okay. Et c'est à quel moment qu'ils sortent les bouquins avec Dark Talon, ouais, tout le bordel Talon. C'est un truc qui se passe 100 ans après, là, genre... Des centaines avec, d'années, je crois, plus tard, avec... 130 ans après l'épisode 6. L'épisode 4, pardon. Comment ça s'appelle, c'est Bane ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Cade. Le Sky... Oui, Cade Skywalker. Cade Skywalker. Ah, Cade, oui. Oui. Donc ça, c'est la grande série, donc voilà, Legacy, qui s'appelle. Qu'elle s'appelle. Ah oui, c'était comme ça. C'est ça. Quand est-ce qu'elle est sortie je dirais quelques années avant 2010, en gros. Ouais. Il y a eu Legacy, après il y a... Ah, ce que j'avais trouvé ouf, c'est un détail dans cette série, c'est que R2, il est toujours là. Et nous, on est dans un monde où un ordinateur est périmé au bout de 10 ans, et là, ça fait 150 ans qu'il est là, il est toujours là. Mais ils regarde ce bordel se dérouler devant ses yeux, aucun souci. Ils ont juste changé les pieds. C'est possible. Plusieurs fois. Mais je sais pas, ça m'avait frappé que de tous, c'est toujours R2 qui est toujours là et qui insulte toujours tout le monde. Encore une fois, là, on est sur une saga donc, qui a fait parler d'elle. Hein. Legacy. En bien ou en mal? Alors, les deux, mon capitaine. 2006, je viens de retrouver l'année de début. Ah oui, c'est récent. Ça, pour le coup. De 2006 à 2010. Et après, il y a eu une saison 2. Enfin, il y a eu un tome de conclusion en 2011 et il y a eu une saison 2 en 2012. Comme ça avait l'air pas bien, je pensais que c'était plus vieux que ça, en fait, non? Donc Legacy, les trois premiers tomes, ça a été une claque pour tout le monde. Tout le monde était fan. Encore une fois, c'est très dark. Hein. On est dans un monde où vraiment c'est les conséquences du nouvel ordre de Jedi. Hein. Jaina, en se mariant, a plus ou moins fondé un empire. Un empire avec un, je mets des gros guillemets, hein, avec un empereur bienveillant qui a sous ses ordres des chevaliers impériaux, donc c'est des forceux, qui n'ont pas de dogme vis-à-vis de la force. Leur seul dogme, c'est de protéger l'empereur, et ils ont une seule règle, c'est si jamais l'empereur sombre du côté obscur, ils doivent le buter. Pour faire simple. Mmh. Ouais. Voilà. Donc c'est plus ou moins fondé par Jaina, ça. Donc, y a du sang solo hein, là-dedans. Et Skywalker. Pendant ce temps-là, la lignée Skywalker, elle, a perduré, hein, la lignée Jedi. Sauf qu'il y a, un groupe de Sith qui se révèle, qui va s'allier avec l'Empire bienveillant dont je viens de parler, et qui vont détruire l'ordre Jedi et faire la guerre à l'Alliance Galactique. Donc au fil des tomes, on va découvrir les pourquoi du comment, hein, parce que ça ne sort pas de nulle part, tout ça. On va découvrir une galaxie qui a toujours du mal à se remettre du nouvel ordre Jedi. Hein. C'est toujours des planètes dévastées. Il y a eu des grandes populations, il y a eu des mondes entiers à reloger. Ça n'a pas été facile du tout. Compliqué. Et au milieu de tout ça, on a un héritier Skywalker qui n'a pas du tout envie de donner honneur à son héritage. Il a vu son père se faire tuer sous ses yeux par des Sith. Il s'est fait plus ou moins recueillir par des pirates. Il est devenu plus ou moins un pirate. Et lui, Il en a rien à foutre d'aller sauver la galaxie. Tout ce qui l'intéresse, c'est de prendre ses bâtons de la mort. Mais il a le droit. Et bien sûr qu'il a le droit. Malheureusement, non, moi, on l'a vu dans l'épisode 7, hein, il faut retrouver le dernier Skywalker. Moi, perso, pour l'avoir lu à un niveau très très, voilà, un niveau très très haut, comme je disais au début, en lisant uniquement des fiches vite fait, Wikipédia ou des présentations, c'est peut-être le fait que ça se passe loin dans le temps et où on a encore des Skywalker, mais on n'a plus des personnages classiques. Ou alors, c'est peut-être le style graphique aussi qui a changé un petit peu, mais ça faisait partie des séries qui m'avaient presque donné envie de toutes celles qui existaient, celles qui m'avaient donné envie de les lire. Mais j'ai jamais eu l'occasion pour vérifier si c'était aussi bien que je le pensais. J'ai vraiment un grand amour pour cette série. Et c'est marrant, c'est que moi, à partir... Ce que j'ai le plus aimé dedans, c'est ce qui saoulait les gens, finalement. C'est que moi, les premiers tomes, bon, OK, on suit le Skywalker qui est complètement à la ramasse et tout. Et à partir des tomes 4, 5, etc., on va plus suivre l'Alliance Galactique qui combat l'Empire et les Sith. On va suivre l'Ordre Jedi qui essaye de survivre. Et on va mettre un peu de côté le Skywalker borderline là, pour s'atteler à la situation galactique. Et moi, c'est ça qui m'a tout de suite plu. Là, je suis rentré dans la série. Moi, les états d'âme du Skywalker, j'en avais rien à foutre. Hein. J'en avais rien à foutre. Je voulais savoir si les Sith allaient mourir et comment ils allaient mourir. C'est ça qui m'intéressait. Et ça, pour le coup, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est exclusivement des comics, celui-ci. Il y a aussi des bouquins. C'est exclusivement des comics, je confirme. Ok. Donc il y a 10 tomes, plus un tome 11 de conclusion, et ensuite il y a une saison 2 qui montre les conséquences de la guerre dans les 10 tomes. Ok, c'est peut-être ça qui m'a branché aussi, pour être tout à fait honnête. Donc t'as les trois premiers tomes vraiment qui forment un peu une trilogie sur le Skywalker. Le 4, il est un peu transition, il présente de nouveaux personnages. Le 5, il est très galactique, tu découvres les Jedi qui ont survécu. Tu découvres notamment un tonton au Skywalker, donc il reste un autre Skywalker. C'est très intéressant, lui, d'ailleurs, il a plein d'enfants, donc qui ont le nom de famille Skywalker, mais il les a tous adoptés. J'aime beaucoup cette approche de l'héritage. Je connais ça. Non, mais il les a pour de vrai adoptés. Il a dit, toi, il est passé à la mairie. Il n'est pas dit, t'es l'enfant de moi et ma sœur. Voilà. Non, mais je trouvais que c'était intéressant de montrer que pour l'héritage, t'as pas besoin. Oui, parce qu'ils n'ont pas la force. Donc t'as pas besoin d'être un super Jedi si t'as un nom de famille Skywalker. C'est ça que j'aimais bien. Ouais, ça aurait été un truc super intéressant aussi à explorer en film. Tout à fait, exactement. Mmh. Et après, donc, t'as quelques tomes sur comment la guerre a été déclarée. Et c'est là qu'on découvre qu'en fait, les Sith se sont arrangés pour que la technologie des Yun Zhangong pour restaurer les mondes échoue. Et suite à ça, l'Empire a fait aux Jedi, mais vous nous aviez promis des nouveaux mondes et ça marche pas, ça. Hein, vous êtes foutus de notre gueule. Les nouveaux mondes, là, ils devaient être habitables, et à la place de ça, il y a des plantes mangeuses d'hommes qui font 10 mètres de haut. Donc voilà, donc c'est l'élément déclencheur de la guerre, et tu découvres que les Sith étaient derrière. Littéralement, ils étaient juste derrière le truc. Salut. Voilà. Mais du coup, on a skippé à travers un gros truc qui a été important aussi au début des années 2000. Au final, j'ai l'impression que c'est vraiment le début des années 2000 avec... Enfin... lequel j'ai un peu de mal, ou en tout cas la façon dont les gens le perçoivent. Mais oui, il y a eu plein de jeux vidéo aussi à cette époque-là. Oui, donc on avait dit que voilà, ils ont été lancés dans les années 90 et début 2000, donc c'est là qu'on a les deux KOTOR qui explorent l'ancienne République, notamment les guerres contre Mandalore. Contre Revan Malak et ensuite le Triumvirat Sith. Ouais, parce que ça se passe, les guerres mandaloriennes, du coup, elles sont juste évoquées dans les KOTOR. Voilà. Elles se passent juste avant. Elles se passent avant. Ouais. Et y a toujours une manière intéressante de les aborder, ces guerres mandaloriennes. Elles sont dans le comics Chevalier de l'Ancienne République. C'est la toile de fond du comics, mais ce n'est pas le sujet du comics. Le comics, c'est un Jedi très maladroit. C'est le Jedi le plus maladroit qui existe, qui n'est pas très doué, en tout cas au début. Oui, Obi-Wan dans l'épisode 2. Et ce Jedi se retrouve embrigadé dans un complot. Malheureusement, au même temps dans la galaxie, il y a les guerres mandaloriennes. Donc, il va vivre tout son complot avec sur fond de guerre mandalorienne. Donc, des fois, il se retrouve propulsé au milieu d'une bataille. Mais ce n'est pas le sujet du comics. Et donc, j'aime bien cette manière de faire où on ne voit pas la guerre, on ne voit pas les grandes flottes de vaisseaux qui s'affrontent, on ne voit pas les mondes tomber, etc. On suit juste ce Jedi qui n'est pas très doué avec son équipage de bras cassés et qui essaye de s'en sortir dans une situation qui est des plus catastrophiques pour lui. Et oui, dans ce comics, Revan et Malak apparaissent en guest star. Ils ne sont pas encore sombrés du côté obscur. Mais c'est, encore une fois, ce n'est pas le sujet. Si ce sujet nous intéresse davantage, bah, il y aura le jeu vidéo KOTOR 1 qu'il faudra faire. KOTOR. Pareil, ça fait aussi exactement. Partie des trucs qui sont... toujours maintenant au centre de pas mal de débats. Hein. Rien que cette semaine, ça a encore, oui, encore une fois. Ça a encore râlé par rapport ça à fait partie, Raven. Ça fait partie des choses dont tu trouves pas de personne pour te dire non, j'ai pas aimé ça, tu vois. Bah, il y a pas d'avis négatif sur ces jeux, ça fait partie. Bah, c'est plus sur le gameplay que sur l'histoire parce que ouais. Bah, j'ai pas eu le temps justement comme j'étais un peu déçu par le gameplay, j'ai pas vraiment exploré l'histoire donc ouais voilà. Bah, c'est ça le truc, c'est que quand t'essayes de les faire aujourd'hui le gameplay je trouve que c'est vraiment compliqué alors que pourtant c'est des jeux que j'ai poncé quand j'étais quand j'étais gamine à l'époque. Et moi-même, c'est pas un problème de jeux anciens. J'ai aucun problème de jouer des jeux un peu anciens, mais lui, je l'ai vraiment trouvé. En fait, j'ai l'impression que t'as des parties du jeu qui sont tellement longues pour rien. Akashic, moi, je me suis arraché les cheveux. Ah, mais moi, j'ai même pas été jusqu'à. Je me souviens d'Antoine. Quand j'ai essayé de refaire le premier KOTOR, juste Taris, hein, j'ai pas réussi à passer Taris. Ah ouais, oui, ouais. Il est tombé les mains aussi assez vite, hein, j'avoue. Je les ai fait à l'époque, donc moi ça m'avait paru génialissime. Je comprends que le gameplay d'un jeu de 2003, ça aujourd'hui, si on le découvre aujourd'hui, ça peut vachement rebuter. L'année dernière, j'ai fait pour la première fois Resident Evil 4. Je sais que tout le monde dit que celui-là, c'est The Resident Evil, c'est celui qui a amené le 3D dans la saga et tout. Mais le gameplay, j'avais envie de me tirer une balle. Hein. C'est pas tant un jeu de 2003, parce que comme je dis, moi j'ai pas de problème avec les vieux jeux. C'est celui-là en particulier, et je le trouve. Mais c'est pas un jeu Obsidian. Ah non, c'est le deuxième qui est Obsidian. Le premier, c'est. Après, les mécaniques sont très jeu de rôle. Hein. Ça se voit, t'as tout le vocabulaire du jeu de rôle qui est employé, genre les jets de sauvegarde et tout, qui sont mentionnés. Enfin, c'est vraiment. C'est très mathématique en fait. Mais au-delà de ça, je dirais même, enfin, il y a une espèce de culte autour du truc et c'est pas forcément facile de rentrer dedans quand t'arrives genre 20 ans après quoi. J'ai l'impression que c'est comme si les gens ils se souvenaient de ça. En fait, c'est comme la trilogie originale où c'est pratiquement impossible de critiquer ou quoi que ce soit parce que c'est tellement ancré dans l'enfance ou la jeunesse des personnes qui y ont joué. C'est aussi un souvenir qui est fantasmé quoi parce que c'est exactement ça. Genre c'est simple. Enfin, l'histoire elle est sympa, c'était assez neuf pour du Star Wars en plus à l'époque, mais ça, en vrai ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas si si révolutionnaire que Sam de en général. Il me semble que c'est le premier RPG de ce type qui est sorti dans l'univers Star Wars. Du coup, ouais, c'était la première fois que tu étais dans un jeu vidéo Star Wars et que tu pouvais faire ton propre personnage où c'était toi qui choisissais ce qu'il disait et tout, tu vois. Mais voilà, est-ce que les gens, ils adorent Revan parce que c'est un personnage intéressant ou est-ce qu'ils adorent Revan parce que c'était eux? Bah ouais, voilà, c'est ça, je pense. On leur dit, hey, en fait, t'étais secrètement super badass. Tu vois, tous les jets, tous les jets dès que t'as raté, bah, c'est pour rattraper. Avant que tu joues, en fait, ton personnage, il était genre trop badass. Il faisait que des réussites critiques tout le temps. Ouais, justement, ce twist dans le scénario au milieu de l'histoire, c'est un élément incroyable pour. Pour une personne qui joue à un jeu vidéo à l'époque, quoi. Mais c'est ça, c'est ça, genre, c'était super cool. C'est un jeu hyper scénarisé, je veux dire. À l'époque. Avant celui-là, attends, je réfléchis, Jedi Academy est sorti la même année. Allez, t'avais peut-être Dark Force 2, Jedi Knight 2, pardon. Mais on n'est pas sur quelque chose d'aussi... Bah, avec une ampleur... similaire. Les Jedi Academy, c'est le seul où tu personnalises ton perso déjà. Tous les autres, tu joues Cal Katarn ou Marajad dans le petit là, Mystery of the Sith. Tout à fait. Mais on est c'est de la mission d'espionnage quoi. Là, c'est une guerre. Et tu joues le héros de la guerre. Et quand je dis héros, c'est AULT. Hein. Ouais. Non, c'est vrai que par rapport à Jedi Academy, où t'as une Sith qui, genre, c'est la même chose, elle siphonne de l'essence dans le réservoir, sauf que voilà, c'est de la force. C'est peut-être pas le même. c'est pas le même côté épique. Je peux comprendre. Mais ouais, en tout cas. Je sais que pour moi, ça a été un truc super important, l'Équator, mais je vais pas y vouer un culte non plus, parce que, enfin, je sais pas, mais je pense qu'on peut faire des trucs nouveaux, quoi. Mais ouais, voilà, c'est-à-dire que... Plutôt que de tout le temps rester tourné à vouloir refaire des trucs bah, que, justement, on les a déjà fait, quoi. Exactement. Enfin, on en est à un point, en fait, où pendant... Là, les dernières années, même maintenant, peu importe la discussion sur ce que devrait faire Star Wars dans tel ou tel truc, tu vas toujours avoir une masse de gens qui vont dire « Ekotor, Ekotor, Ekotor ». Et genre, j'ai déjà vu des gens qui disaient « Oh oui, mais la post-logie, c'est juste de la nostalgie », ce qui est pas totalement faux. Il y a beaucoup de nostalgie dedans. Mais pourquoi ils font pas Kotor à la place? Genre, « Ekotor, tu veux qu'ils le fassent pourquoi ?» À ton avis. Ouais, en plus, Kotor, maintenant, c'était il y a presque 20 ans. Donc, oui, c'est ça. C'est juste totalement de la nostalgie. Et t'as une fixation sur le truc. Et c'est pour ça que quand ils ont annoncé, comment ça s'appelle, la Haute République, j'étais vachement content que ce soit pas... vraiment Kotor et que ce soit genre beaucoup plus récent par rapport à l'univers de Star Wars, parce que en plus entre nous je trouve que Kotor est pas super inventif au niveau de tout ce qui est art, enfin tout la direction artistique de Kotor, je la trouve très comment on dit lazy en français. Très paresseuse, genre les vaisseaux sites. En 2003, qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais je veux dire, c'est genre les vaisseaux des sites. Enfin, ça se voit encore plus dans les Bonne Hawk, c'est le Faucon Millennium Lidl. Ouais, bon, okay. C'est ça, c'est genre, un mélange de trilogie originale et de prélogie, mais genre, ça se passe quand même mille ans avant. Ouais. Pourquoi les trucs ressemblent autant? Ça m'a toujours bloqué, ça. Pour ça fait partie du truc qui... Genre, c'est... On se moque de la post-logie. 3000 ans. Et on se moque de la postlogie parce que 30 ans après, il y a toujours des X-Wing, mais enfin, je veux dire, en même temps, on dit ouais, KOTOR, et c'est genre, il y a littéralement des TIE Fighters, enfin, presque quoi. C'est. Anolu qui nous dit je cracherai pas sur un. Pas un KOTOR, mais un KOTOR. Ah oui, un Knights of the Republic. Mais oui, reprendre la forme. Il y a plein de trucs super intéressants dans KOTOR et je dirais même l'histoire de Revan. Mais en vrai, ce serait pas forcément très intelligent de refaire l'histoire de Revan parce que tout le monde la connaît maintenant. Ce serait pas aussi cool. Puis de toute façon, Revan est centriste. Oh, oui. Moi, tant qu'on parle de Revan, il y avait un passage qui était rigolo. C'était dans le MMO. The High Republic, où il y a toute une séquence où on rend visite au fan club de Revan. C'est assez rigolo, je trouve que c'est un méta ce moment. Il est vraiment méta ce moment, il est assez rigolo. Il a un peu cet aspect dont tu parles, Gruche, sur le rapport de certains fans qui n'ont aucun recul sur KOTOR. Ouais, c'est ça, genre c'est super bien, et surtout à l'époque, je pense que ça a dû vraiment marquer, hein, ça se voit, mais juste, ce serait, enfin il y a plein de trucs à faire de mieux que ça, que de tout le temps si, vouloir contre, refaire attendez. la The Old Republic. Il y a un truc important dans KOTOR quand même. Mm-hmm. Vas-y. Il y a la première lesbienne de Star Wars. Et ça, c'est quand même important. Bravo les lesbiennes. Ouais, c'est Juani. Ah oui, tu pouvais la romancer si t'étais... Dans le 1. Revan... Okay. Revan... féminin. La Revan canon, du coup. La vraie Revan. Avant qu'il ait la gueule de Keanu Reeves. Leader Price aussi, tu vois, comme le Ebon Hawk. Mais ouais, tu vois, par exemple, c'est... Enfin, tout ça, tout le délire autour de Revan, c'est un peu comme... on en parlera peut-être juste après, mais c'est... comment ça s'appelle ce jeu ? Force Unleashed, où ils ont une espèce de culte, mais pas parce que forcément le personnage est intéressant, mais juste parce qu'il est super badass, quoi, enfin... Et genre, c'est badass, être du côté obscur et du côté lumineux. Ouais, ok, ça veut rien dire, t'as aucune conviction, c'est ça que ça veut dire. Ouais, mais que derrière, Revan, comme j'ai l'impression un peu tous les autres, ils ont voulu le réhabiliter en disant qu'il est passé du côté obscur pour empêcher que l'empereur machin, il fasse ça. Et donc, on a de nouveau la même chose que pour... que pour Jacen, on a de nouveau la même chose que pour l'amiral Thrawn, etc. S'ils ont été méchants, c'est qu'ils avaient une bonne raison. C'est genre, je vais devenir de droite pour arrêter l'extrême droite. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, c'est plus cette forme-là, moi, qui commence un peu à m'énerver de... Les retcons, en général, moi, j'aime beaucoup. Et ce genre-là, ça m'énerve. Bref, ouais, Si vous voulez continuer les jeux, on a mentionné le moi je l'aime bien le Jedi Academy. Pareil. Où on suit un disciple de la nouvelle Académie Jedi de Luke. Qui se retrouve plus ou moins embrigadé dans un complot d'adorateurs du côté obscur, là, enfin de forceux obscurs, avec franchement entre les cours avec Cal Katarn, l'émission et la scène finale sur Corriban, donc l'ancienne capitale Sith. Et le fait que tu aies doublé avec un potentiel nanardesque de ouf. C'est très nanardesque, mais ça, franchement, ça passe. Moi, j'arrive pas à y jouer parce que je trouve les contrôles assez chauds, surtout maintenant. Je suis gérontophile, hein, non, l'inverse. Je suis gérontophobe, on rappelle, et c'est pareil pour les jeux vidéo. J'ai beaucoup de mal à jouer à des vieux jeux, et du coup, j'ai jamais pu vraiment en profiter. C'est vrai qu'au contraire, j'étais tellement fou, alors encore une fois j'étais gamin, Mais c'est de vraiment pouvoir avoir cette sensation que, bah, évidemment, il y a une limite de mouvement, de pouvoir contrôler le sabre laser soi-même, mais je trouvais ça absolument incroyable. Et c'est le premier que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait les Dark Forces et autres, mais j'ai trouvé ça absolument ouf. Moi, j'en pouvais plus. Ce jeu, je l'ai tellement fait. Vous me contredisez si je me trompe, mais je crois que c'est le premier jeu où si tu mets le sabre laser sur un mur, ça fait des traînées sur le mur comme du magma pour montrer que tu as brûlé le mur. Ouais. Je crois que c'est bien. Je sais pas si, ouais, si c'était dans Outcast. Dans le 2, il y en avait déjà, et je crois que dans le premier, dans le jeu, épisode 1, il y en avait aussi de ça. Il n'a pas de sable dans le premier Dark Force. Ouais, il n'a pas de sable. Non, c'était un vrai personnage. Dans le jeu de l'épisode 1. Là. Ah, le jeu de l'épisode 1. Ah, le jeu de l'épisode 1, d'accord. Il est plus vieux que Jack Knight 2. Oui, tout à fait. Oui, il est sorti en même temps que le film. Oui. Il est même sorti avant le film, les gens se sont fait spoiler grâce à ça. Oui, mais déjà ils ont réussi à le finir avant. C'est possible, je sais pas. Mais... je crois que t'as raison, ouais. Ils sont pas, c'est pas aussi détaillé, mais effectivement, tu peux faire des traits. Dans Jedi Academy, tu pouvais démembrer les. Bah, d'ailleurs, on le voit un peu sur l'image, là, on voit les traînées sur le corps. Ouais. Et tu pouvais les démembrer. Et puis t'avais des combos et tout, tu pouvais courir sur les murs et tout, tu pouvais faire des trucs de malade. Moi j'étais comme un dingue sur ce jeu. Et ça, t'avais tout le côté panel de pouvoir, ça, tu pouvais pousser, tirer. Oui, on peut. Pour le coup, qui était déjà présent dans Outcast, mais ouais, non, c'était. Alors c'est vrai que encore une fois, j'avais la distance critique d'un gamin de 12 ans et quelques, mais c'est vrai que le côté nanar m'est apparu qu'après. Ah bah, moi, l'Académie, je l'ai fait tardivement, là, récemment. Je l'ai pas fini, mais effectivement, dès les premières secondes, j'ai compris que je l'adorais. Hein, et encore une fois, c'est un jeu qui est rentré dans l'histoire comme KOTOR, notamment à une scène dans ce jeu que je sais que beaucoup de fans adorent, c'est toute la scène sur le toit du train. Où il y a un train magnétique. Ouais, ouais. Je sais même plus la planète, c'est peut-être Corellia, mais j'ai un doute. Oui, c'est sur Corellia, oui. Et Corellia, et scène qui est rentrée dans l'histoire, hein, les fans en parlent encore aussi. Et d'ailleurs, The Old Republic a fait un clin d'œil à cette scène, et il y a une mission dans The Old Republic passe pareil, où on va de wagon en wagon sur les toits d'un train. Non, on ne m'avait pas frappé plus que ça. Moi, il y avait surtout une scène où tu parlais des dialogues, Matt. Il y a tout un moment où tu dois aller sauver des civils chez un hut, chez un membre de je ne sais pas quelle organisation. Et ils ont traduit ça complètement n'importe comment, il dit qu'il doit aller sauver les personnes âgées. Genre, c'est le petit club des vieux du coin qui sont allés voir le méchant mafioso, et tu dois les sortir, et ça rend la mission encore plus débile. Mais il y a tellement de trucs, tellement de souvenirs avec ce jeu, ça me fait... voilà, j'y retourne toujours avec plaisir, même si maintenant, c'est plus pour les mêmes raisons. Et du coup, vu qu'on là, on a fait un peu le tour de... D'à peu près tout. Il reste les deux pouvoirs de la force. Voilà, il y a Battleground, là, vous oubliez. Le meilleur jeu du monde. Ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment une histoire Ouais. Il y a quelques personnages, mais c'est vrai que je crois pas qu'ils aient été réutilisés en dehors des jeux. Du fait qu'il parle de la création d'Otogunga, qui, je crois, a été repris ailleurs, mais en dehors de ça, je crois que c'est tout. T'as aussi l'extension d'Empiratoire qui a une histoire très, très conséquente, très grosse, qui change un peu tout l'univers, mais pareil, d'ailleurs, on la considère pas vraiment comme canon, celle-là. Force of Corruption, avec ça. Syndicat du crime qui est absolument pas le soleil noir, mais qui devrait l'être. Hein. C'est ça. Oh, oui. C'est ça, qui a des vaisseaux tout pétés, et à la fin, t'as une quête gigantesque où tu détruis l'éclipse. Alors que bon, voilà, l'éclipse, elle est détruite dans Dark Empire, quoi. Mais non, ils sont pas en succès avec cette extension. Et puis après, y a encore les Rogue One, les Rogue Leader plus récents. Et puis, Bounty Hunter, on disait, mais c'est très centré sur Boba Fett, enfin sur Jango Fett en l'occurrence. Ouais. Et toi, t'avais essayé de jouer en stream. Marchait pas. Ça marchait pas. Il marche pas trop en émulateur. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné quand même le République Commando. Oui. est très donc pour le coup c'est on est sur du cross-média parce que dans les livres il y a deux commandos clones qui sont mentionnés dans les romans République Commando et on en suit un dans les livres et dans le jeu on en suit un autre et notamment dans les livres on apprend qu'il y a un des leurs qui a disparu, qui est pas mort hein, qui a disparu et dans le jeu on découvre comment c'est arrivé. Parce que le jeu a été scénarisé par Karen Trévis, donc celle qui écrivait les romans. Ah, ça c'est cool. J'ignorais. Avec le jeu, avec la musique. Voilà, des chants mandaloriens. En même temps, c'est elle qui a développé la langue mandalorienne, et c'est aussi elle qui a développé la majorité de la culture mandalorienne. Exactement. Elle a beaucoup, beaucoup taffé là-dessus. C'est un jeu important à mentionner pour le lore de l'univers étendu, quand même. Qui ressort bientôt sur Switch, je crois. Enfin, non, c'était pas. Ah, il est déjà fait, je crois. Bah... Il vient de sortir. Il vient de sortir. Pas bien, ça. Pas très bien. Tout à fait. Bon, vous voulez parler du pouvoir de la force ou c'est bon? C'est nul. Arrêtez, c'est cool. C'est l'histoire est débile, mais c'est vraiment rigolo. En fait, plus on en parle là, au final, là, on arrive au bout et je me rends compte que le problème, au final, moi, je pensais que c'était à cause du Legends, qu'on faisait trop et tout, mais est-ce que c'est pas au final les gens qui en retirent que les pires trucs au final, je veux dire le The Force Unleashed, bah c'est fun à jouer, mais le fait que les gens ils veulent, enfin ils pensent que c'est du bon Star Wars, c'est enfin je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent ça? Le problème, c'est de vouloir toujours la même chose en fait. C'est de demander qu'un seul type de contenu. C'est pas mauvais en soi le pouvoir de la Force. Le problème, c'est de vouloir que du pouvoir de la Force. Dans le pouvoir de la force, il y a quand même des gros trucs un peu idiots, quoi. Mais j'ai envie de dire, il est sorti en 2010. Encore une fois, il serait sorti dans les années 90 avec Dark Empire en face et toutes les autres gadgets de Palpatine. Ça aurait pas fait la même chose, quoi. Les gens auraient peut-être même sans doute apprécié, quoi. Voir un Jedi arrêter un destroyer à la main. À cette époque-là, ça nous aurait presque paru plausible. On a Luke qui construit un château entier en utilisant la force hein, dans les romans. Ouais. Oui, mais il y a que les gens qui refusent aux autres d'avoir du fun, genre Grushkov qui n'aime pas arrêter le Star Destroyer. Je comprends tout à fait. Non, c'est juste problème, tout pourri au niveau du gameplay. Oui. Ça, c'est vraiment le pire truc à jouer. Bon, c'est vrai que je suis pas game designer, mais. Le truc, c'est que finalement, j'ai l'impression, et j'avais un peu ces impressions quand on parlait des films, des bouquins, pardon. Il y a certains trucs qui ne fonctionnent que dans le média dans lequel ils ont été faits. C'est quand les gens demandent à ce que quelqu'un arrête un Star Destroyer dans un film, par exemple, que là, ça devient débile. Ou éventuellement qu'on demande qu'il y ait toujours une scène comme ça dans tous les jeux vidéo, c'est un autre problème. C'est surtout ça, c'est qu'ils veulent tout le temps voir les mêmes trucs, quoi. Ils ont vécu ça quand ils étaient ados et du coup ils veulent voir que ça. Et c'est en final le problème, c'est pas forcément le contenu des trucs Legends en fait. C'est surtout que c'est arrivé à une période où c'était encore des personnes en formation, on va dire, hein, qui des jeunes, des ados, des trucs comme ça, et c'est comme la trilogie originale en fait, qui restait vraiment avec eux et ils sont incapables en fait de juste passer à autre chose en fait. Ouais, et puis t'as aussi ce truc, tu sais, de vouloir comparer les personnages entre eux sur qui a le plus gros zizi et qui a les plus forts pouvoirs, et du coup forcément quand tu te retrouves là-dessus, tu te retrouves avec les gens qui disent ah ouais, mais le perso il est moins bien parce qu'il est moins fort, tu vois. C'est vrai. Et voilà quoi. Et l'autre gros problème de The Force Unleashed, c'est qu'il est, pour l'époque, il est vraiment très très joli. Et c'était impossible de le faire tourner avec une machine normale de l'époque. Il est très mal optimisé. C'est plus un problème maintenant, mais à l'époque, voilà, je sais que j'avais vraiment envie de tester et c'était impossible. Le jeu était différent en plus sur la console sur laquelle tu jouais. Je l'ai fait sur Wii, je crois, et toute la scène d'ouverture qui est censée être sur Kashyyyk de nuit se passe en plein jour, je crois. Ah, je savais pas. C'était pareil. Moi, j'ai sur PC, il est deux jours. Sur Xbox, c'est deux jours aussi. Non, c'est deux jours sur PlayStation aussi. Okay, donc c'est l'inverse, donc ils l'ont fait de nuit sur la Wii. Il y avait une histoire comme ça. Ah, plus le jeu. Ce serait plus le jeu. Apparemment, les gens qui ont développé le moteur de étaient sont ceux qui bossent maintenant sur le jeu chez Zynga Star Wars Rivals. Nous dit Nano Luke. Donc les mecs, les pauvres. Donne de l'espoir. Il a appliqué dans Force Unleashed. Hein. Enfin, il avait donné des noms, des idées de noms pourries pour les personnages. Un dernier petit point quand même sur The Force Unleashed, c'est le deuxième vrai, on va dire, cross-média, c'est-à-dire que quand le jeu est sorti, ben, l'histoire du jeu est sortie en roman et l'histoire du jeu est sortie en comics. Je crois que ça valait le coup de la mettre en roman parce que non, c'est clair. Voilà. Donc, ça a fait un flop. Bizarrement. Ce qu'ils ont fait pour le deuxième, et ça, je trouve ça très intelligent, et c'est d'ailleurs, à mon sens, ce qu'ils devraient faire pour les films actuels et leurs adaptations, c'est que quand le The Force Unleashed 2 est sorti, ils ont fait un roman, ils ont fait un jeu vidéo, mais qui nous font vivre les événements du jeu, mais d'un autre point de vue. Pas du point de vue de l'apprenti. Mm-hmm. Le comics, on voit tout du point de vue de Boba Fett, et le roman, du point de vue de la blonde, là, j'ai oublié son nom. Un nom d'étoile. Celle qui est pilote, Eclipse, là. Voilà, merci. Et Gino Eclipse. Et qui a une super tenue d'officier impérial. Hein. Ouais, très pratique pour travailler. Mm-hmm. C'est ça. Donc voilà, donc je trouvais que c'était une meilleure manière de proposer du contenu, parce que voilà, on est sur du contenu semi-original finalement, et donc je trouvais ça intéressant. Okay. Bah, je sais pas si c'est le temps de l'aborder, enfin, non, on serait peut-être plutôt à la fin, je sais pas ce qui reste encore abordé sur Legends. Il nous reste deux minutes général. Là. Ok, bon ben, bah, je sais pas si on va... Bah, on en a parlé vite fait avec Juno. Un truc sur lequel le nouveau canon est indiscutablement supérieur aux Legends, c'est sur la question des représentations. La manière dont ils traitent leur personnage féminin, la manière dont ils vont intégrer des minorités, c'était un truc qui n'était absolument pas une question dans l'univers Legends. C'est arrivé un peu à la fin, je pense, avec le comics Legacy, par exemple. Ouais, Dark Talon, non, je pensais plutôt à la copine de Cade, mais au-delà de ça, dans l'Empire qui est présent dans Legacy, il n'y a plus que des hommes sous le casque de Stormtrooper. Il y a des hommes, il y a beaucoup de femmes. On est très proche du Premier Ordre, en fait, de ce qu'on voit du Premier Ordre dans les films. Et surtout, c'est un Empire qui accepte les aliens. Donc, tu as des casques de Stormtrooper qui sont faits sur mesure pour les différentes races d'aliens. Okay. Après, moi, le fait que l'Empire soit raciste, je veux dire, c'est des méchants. Je veux dire, il y a des gens racistes dans l'univers. Le problème, c'est que ça se reflétait pas forcément. On voyait pas forcément une différence avec les autres organisations qui, elles aussi, étaient très standard, très voilà. Mais je savais pas pour le coup pour le Legacy. Comme je disais, je l'ai pas lu celui-là. Mais c'était aussi un des derniers. Bah, forcément, hein, c'était un des plus proches de nous, au final. C'est ça, 2006-2010. Donc, voilà. Et à côté, comme tu disais, ils nous mettent Dark Talon, pour compenser. Oui, comme ça. Quelle catastrophe, ce perso. Et le dernier vestige du Legend, finalement, c'est Clone Wars, qui a survécu, quoi. Alors, Clone Wars a cette particularité d'être à la fois Legend et à la fois officiel. Ouais. Premier point, et ensuite en vestige du Legend, on a donc le jeu vidéo, le MMORPG The Old Republic qui continue d'être alimenté en mise à jour et donc qui continue de prolonger l'univers Legend année après année en ce moment. Ça en fait, ça en fait encore beaucoup. Let's go. Je très vite, Nanolu qui nous dit on a fait un entretien gentil pour pas froisser les fans, vous. Non, mais ça m'agace un petit peu, mais parce que le fait qu'il soit déjà xénophobe, l'Empire, c'est pas suffisant. Il faut en plus qu'il soit sexiste et raciste. Ouais, je vois pas l'intérêt, en fait. Qu'il soit suprémaciste humain, ok, bah voilà. Dans le genre connard, c'est déjà pas mal. Enfin, Ouais, c'est ça, c'est à l'échelle galactique, je pense qu'on peut se... Et puis, on avait parlé dans je ne sais plus quel épisode, merde, t'as le droit d'apprécier l'Empire, même si t'es pas blanc, si t'es une femme, enfin. Voilà, là, c'est pas moi aussi aux gens, bah, ça s'intéresse peut-être plus à ce qui se passe aussi, quoi, c'est tout simplement. Je le formule sûrement très mal, mais il y avait cette idée-là aussi, quoi. Voilà. je lis en même temps. Pardon. Ok, là, il va falloir qu'on termine bientôt, là. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à dire ou pas? Non, je pense qu'on a fait un bon tour global. Alors, si à l'avenir des éléments précis peuvent intéresser, hein, on peut rentrer dans un bon gros détail sur une saga ou une histoire ou un jeu donné. Ça va y être un vong la prochaine fois. Voilà, 19 épisodes, 19 romans. On les lira chacun de notre côté et puis on en parlera ensemble. Attends, quoi, j'ai pas signé pour ça, moi. Mais du coup, l'univers Legends, il a duré à peu près 30 ans, c'est ça? Donc, officiellement, on peut dire qu'il a commencé en 76 avec la première novélisation, mais en de vrai, il a plutôt commencé en 91 avec la trilogie de Zan, même si les deux trilogies de romans, Aventure de Han Solo et Aventure de Lando Calrissian, donc de 79 et de 83, sont elles pleinement intégrées dans l'univers Legend. Ouais. Tout ce qui est sorti avant, donc les comics Marvel. Eux, ils sont des éléments ont été récupérés, ou Splinter of the Mean Eyes, pareil, c'est considéré comme faisant partie du canon, mais pas trop. Mm-hmm. Au final, on râle beaucoup, je dis on, c'est un on général, mais contre le fait que ça a pris pas mal de temps pour l'univers étendu canon là de se lancer au niveau des jeux vidéo et des bouquins, là ça commence enfin à se lancer pour de vrai, mais au final c'est pas si lent que ça par rapport à ce qu'il y a eu au final dans Legends, j'ai l'impression. Genre au bout de 40 ans, ouais, Legends, tu on aura dire beaucoup plus eu... de trucs. Mmh. Oui, bah le Legends, pour de vrai, il y a eu 24 ans en gros. Ouais, c'est ça, 24 ans. Là on a eu combien, là? On a même pas eu... on a eu 6, 7 ans 6 ans 6 ans, oui. 6 ans, en gros, de ça. Et là, on commence vraiment, donc... faudra qu'on fasse un épisode pour comparer quand ce sera le bon moment. Dans 30 ans? Non. Dans 20 ans. Pour conclure, là, il y a encore une œuvre ou une... quelque chose que tu conseillerais dans Legend maintenant à quelqu'un qui n'a pas touché du tout Legend? Moi, ma saga du Legend, c'est le Noge, mais bon, le Noge, c'est 19 romans, donc c'est pas quelque chose de facile à commencer, surtout que ça fait référence à plein d'autres livres à droite à gauche. Mais je pense que ce qui plaira le plus aux gens en Legend, surtout que ça fait très écho au film, ça reste le roman Dark Plagueis qui monte déjà le maître site de Plagueis, qui monte Plagueis avec son futur disciple Palpatine, et qui montre surtout toute l'histoire de Dark Plagueis jusqu'à sa mort, notamment qui fait des grosses révélations vis-à-vis de l'épisode 1 à ce sujet. Ok. Je l'ai pas lu, c'est la fois que je regarde. C'est considéré comme un des meilleurs de l'univers Legend. C'est ce que j'avais lu, c'est James Luceno qui l'a écrit. Oui, c'est Luceno. Ouais. J'aimerais bien voir rien. Très connu. C'est coupé de l'épisode 3 où Palpatine lit le bouquin à Anakin. C'est ça, en fait. Ok. Et sinon, lisez les X-Wing, c'est bien. Ouais. Ou alors attendez le film Rogue Squadron, on verra. Ça se trouve, il y aura des... Ouais, hein, c'est impossible. Ah, mais je pense qu'il y aura beaucoup de références. Hein. Bref, c'était super de discuter là pendant bientôt 3 heures. Line, encore une fois, faut que tu viennes plus souvent, mais moins souvent parce que on fait des épisodes beaucoup trop longs. Bah, ou alors plus souvent, mais on sépare plus. Voilà, c'est ça. Plus souvent, mais moins longtemps. C'est vrai que là, c'était. Il y avait plein de choses à dire en même temps. Merci énormément d'être venu. Est-ce que tu veux encore dire aux gens où te retrouver sur Star Wars Universe, tout ça? Toujours sur Star Wars Universe, en ce moment on parle de la Haute République, et sur Twitter, @lainangsu avec deux O à la fin, pour parler de plein d'autres choses, et pas que de Star Wars. Ouais, mais il est toujours passionnant, et c'est ça qui est merveilleux, et c'est pour ça qu'il est là, et qu'on discute pendant des heures. Passionné. C'est vrai. Merci énormément, et merci à tout le monde d'avoir été là, c'était cool d'avoir un peu de discussion dans le chat, là, c'était super cool. Et merci à Funeli qui a tenu jusqu'au bout. C'est géniaux. Sans s'endormir. Non, non, j'ai juste fait une petite projection astrale vers les deux tiers de la fin, et ça va mieux. À la prochaine. J'ai pas de phrase de fin. Qu'est-ce que je pourrais dire Que nous sommes des Legends. Une référence à Zorba le Hutt. Stan Zorba, et que la force soit avec vous. Ciao. Oui, voilà, je trouvais plus l'expression. Salut.